fois qu'ils ont des horaires normaux. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et c'est parti sur Énergie. Bonsoir tout le monde, Guillaume Radio 2.0. On se retrouve à partir de 21h jusqu'à minuit, hein, pendant 15 jours, jusqu'au 15 juillet. On passe les 3 dernières heures de la journée ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les potos. On se retrouve comme chaque soir. Le standard est gratuit, le standard est allumé depuis un fixe. Si vous voulez passer un petit coup de fil ou quoi, venir faire de la radio avec nous, rigoler ou quoi, vous pouvez 0800 70 42 48. Le numéro fait peur, mais le numéro est gratuit. Voilà, le numéro est impressionnant. 0800, j'ai toujours l'impression qu'on tombe sur une centrale en Inde. Et pourtant, non, vous tombez sur Amina du standard. Hein. C'est un peu une centrale en Inde, Amina. Oui. Je veux dire en termes de quantité de travail. Exactement. Okay. Et voilà, vous pouvez appeler, hein, 0800 70 42 48. Amina du standard, la pauvre. Oui. Arrive quasiment au bout de l'année. Elle est sur les rotules. Hier, elle nous l'a montré. Elle avait du mal à parler. Elle a fait une petite phrase un petit peu incompréhensible. Voilà, on dirait qu'il n'y a rien, mais écoutez bien cette phrase quand elle bug. Je crois qu'elle a foi en. En beaucoup trop de choses. Elle a foi en se faire niquer. Ouais, peut-être. Elle a même à se faire avoir, je crois, bien sûr. Bonsoir JM Stagiaire. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir ami JM du Standard. Salut Guillaume, salut à tous. Bonsoir Flo des Cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien tout le monde? Ouais, ça va. Ça va, ouais. Bon, JM Stagiaire, c'est sûr la manche longue le 1er juillet. Bah il fait froid dehors, attends. Ça va. J'ai pris froid. En retard pour le boulot, mais la route passera plus vite en vous écoutant. Escroc, bonsoir à toi gros. Marouane, mon beau gosse de la night, je t'aime. Content de vous entendre, ça me fait un peu oublier ma conjonctivite. Salut Johanna du 78. Ah, c'est à l'œil ça. C'est vraiment signe qui fait pas beau, hein. Putain, tous les rhumes qu'il y a. Voilà, non mais tous les problèmes et tout ça. Bon, en tout cas, il y a du foot ce soir. Il y a la Belgique qui joue. Ouais, contre le Pays de Galles, ça vient de commencer là. Alors, on va se tenir au courant de ce match magnifique qui est en train de se dérouler. Alors, allez la Belgique ce soir. Il y a 100 000 Belges à Lille. Voilà, on est ensemble les copains, on est ensemble la Belgique. Voilà, on est là et on va suivre le match. Tout à l'heure, pendant la mi-temps, je vais envoyer notre apprenti avec une poussette à l'intérieur. On a mis une enceinte. et on va rentrer et dans un bar bondé de Belges dans Paris. Et on va juste leur faire un big up à la radio, en fait. On va mettre l'enceinte et je vais leur parler. Ah ouais. Je vais leur demander de faire la hola, de faire des conneries. Ah, bah ah oui, c'est que du bon esprit. Ah oui, c'est ça replay. C'est que je vais faire yeah. Laissez-les marquer. Ah, pour les Gallois, ça. Laissez-les marquer. Marouane Gerbe, bien dimanche. Bonne soirée avec Mélissa, la meilleure équipe du monde est là. Bonsoir ma Jessica du Doha. Bonsoir à toi la Corse du Sud, petit FIFA, en vous écoutant. Alan du 60. Salut. Vous pouvez envoyer un petit texto aussi, hein, je vais les lire à l'antenne. Vous tapez bien au début du texto Guillaume, G-U-I-2-L-A-U-M-E. Un espace et ensuite votre message avec votre numéro de téléphone. Voilà, c'est important que je puisse vous rappeler. Guillaume et votre histoire, votre petit message, votre petite dédicace, votre petit message d'amour, votre bon anniversaire. Une déclaration. Oui. Voilà, vous pouvez envoyer une insulte à un stagiaire. Non, pourquoi moi, parce que tu me regardes, je sais pas. Je suis devant toi. Il y a des fois, j'ai l'impression que t'aimes ça. Voilà. Les insultes, d'accord. Pourquoi pas me frapper à la radio aussi. Non. Ah, on pourrait mettre une machine. Imagine une machine à claque. Une bêtise. Ça serait drôle, ça. Il y a des films où ils font ça. Quand tu trompes ou quoi, bam. Genre une perceuse qui fait tourner une tapette à mouche. Et à chaque fois qu'il y a un SMS. Ouais, c'est un peu sadique. Je suis sûr qu'on battrait le record là. Sur qui? De SMS sur quoi? Big up aux chasseurs. Salut Romu. Bonsoir, chasseurs. On aime notre papa Camille de la team Yoplay. Gros bisous à vous, les chéris. Salut à Chacha et Cécile. En route pour Beaucaire. Bonsoir les copains. Bisous, salut. J'aimerais passer à la radio. Il n'y a pas de problème. Vous me laissez vos SMS, hein, toute la soirée. On fait de la radio ensemble. J'espère qu'il y en a qui ont des résultats d'examen aujourd'hui. Il y en a d'autres qui en auront à partir de lundi. Ouais, mardi, le mardi beaucoup, aussi. Ouais. Mardi. Mercredi. Alors ça dépend les sections, ça dépend les pays parce qu'on est sur la Belgique et la Suisse. Mais enfin, France, Belgique, Suisse. Mais bon courage à vous si vous avez des résultats d'examen aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé. On se fera Gims tout à l'heure. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Salut à Marie, je t'aime. Pays de Galles contre Belgique à l'Euro. Salut les gars. Ouais, t'inquiète, on est là. Ouais. Marie, je t'aime. Voilà, pas de problème, la dédicace est passée. on a les mêmes en vrai. Si vous voulez faire pareil, vous pouvez y aller. Hein. Je vais lire tous les messages toute la soirée. Bon, on se met dans ce studio du 6ème étage, le tout petit studio. Vraiment, c'est le plus petit des studios. Bah, c'est intime là. C'est le plus petit, c'est celui où ça sent le plus mauvais, mais c'est celui où on est le mieux. C'est celui où on est le plus tranquille. Lauriane, reste tranquille avec Marwan, il est trop beau pour toi, t'inquiète. Mel va kiffer, je t'aime. Bonsoir à tout le monde. Vos dédicaces, hein, voilà. Joyeux anniversaire, l'amour numéro 1 de ma vie, Maxime. Salut. Je t'aime, bonne route de Nounours. Voilà, Guillaume au début de votre message, et vous me le balancez au 6-11-12. Vous comptez jusqu'à 30 secondes et puis vous l'entendrez à l'antenne. C'est assez rigolo à faire, hein, si vous ne l'avez jamais fait. Je vous jure qu'on est en direct, 21h07. Il y a du foot en direct, ouais. Toujours 0-0. Pays de Galles, Belgique, voilà, 0-0. On est au courant dès qu'il y a un but. Hein, voilà. Il y a vraiment la seconde près, il n'y a même pas une minute de décalage comme sur certaines radios ou certaines télés. C'est du vrai direct comme ça se faisait dans les années 80. À l'ancienne. À l'époque où ça fumait encore la pipe pendant les émissions. Ah non, on pas là. Ça fumait les gitanes. Avec des films. À l'époque où ça fumait les Marlboro rouges. Et ça faisait de la radio avec un verre de vin dans la main droite. Voilà, donc nous sommes pareils, hein, sauf qu'il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de cigarettes. Ouais, on est là, un peu. Ouais. Mais il y a toujours la voix cassée et l'envie qui est là. Avec Anthony qui nous appelle d'Angoulême. Bonsoir Anthony du 16 ans. Un double 16. Ouais. Et Anthony. Allô, ouais, ça va, Manto? Ok. C'est qui le papa? Bah, c'est qui le caca? Ouais, ça va ou quoi? Tranquille, Anthony. Salut. Ça va, frérot. Déjà passé à la radio, c'est la première fois? Je t'ai passé quoi, mais il y a longtemps. Ah, très longtemps. Ouais, mais bon, je te dépucelle pas du coup. Ah ouais, ouais, voilà. C'est pas un dépucelage radiophonique. Dommage. Ah, ah ouais. Semi, t'as semi. Choisi de te dépuceler ailleurs. Avec quelqu'un qui a l'âge de ton père, c'est toi. C'est pas légal, mec. Non, c'est pour rigoler. Il y a les PS4 à vous offrir. On a les drones DJI Phantom 3 tout à l'heure à vous offrir. Et puis voilà. Et puis c'est bon, quoi. Tranquille. On parlera de sexe tout à l'heure avant la fin de l'émission. On fera le clash de la semaine parce que d'habitude on est vendredi là. Et on est vendredi. Ouais, c'est rare. Et bonne route à vous. Souvent. Vous êtes très nombreux sur la route le vendredi. Là, je sais que là, les juettistes ils s'en vont. Et bah bonne route. Exactement. C'est le grand départ. Les juettistes. Ils ont futé tout ça. Exactement. C'est le grand départ vers le sud. Et bah bon courage si vous êtes sur la route. Les bouchons. Vous devez être très nombreux à nous écouter à chaque fois. Ça fait vous êtes très très nombreux, je sais quand on est là vers à chaque fois le 14 juillet, vers le 15 août. On a fait des émissions déjà tous les étés, on est resté entièrement les premiers étés qu'on était là, on était là et vous étiez vraiment très très nombreux à nous appeler, etc. Et là ce soir c'est Anthony hein, qui ouvre le bar avec ses ballerines. Salut Anto. T'as vu, il y a une pétition contre les ballerines. Ouais. La journée internationale. 30 000 personnes ont signé cette pétition. Après, faut aimer les ballerines. Moi je comprends pas, je trouve ça assez sexy les ballerines. Ah non. Alors peut-être parce que je suis fétichiste des pieds, mais je trouve pas ça moche quoi. Ah j'aime moins. Bon, je préfère les talons, etc. Mais je veux dire, de là à dire une pétition, ça va. Ouais, mais c'est pour la blague. Ouais, franchement, il y a des filles qui ont des chaussures bien plus moches que ça. Je vois des cadeaux. Moi, je l'ai signé la pétition. Ah, mais parce que toi, tu foiras la journée. Ah, mec, il est sur les pétitions comme ça toute la journée. Ah, non, c'est pas beau. C'est là que je me dis qu'ils vont voir le planning de mes équipes. J'ai le temps d'essayer le planning de. Ah putain, pourquoi t'aimes pas les ballerines? Non, c'est pas beau, et puis en plus ça pue, ça fait puer des pieds et tout. Ah ouais, bon, c'est toi qui les portes donc. Bah ouais, mais quand t'es avec une meuf et qu'elle pue des pieds, c'est pas terrible. T'as les meufs qui puent des pieds que n'importe quelle chose, bah oui. Rien dire, on met des sockets en plus avec les ballerines. Ouais, bon anniversaire à mon petit frère, 26 ans aujourd'hui. Bonsoir, Tiff. Bonsoir. 1er juillet aujourd'hui d'ailleurs, cancer, les cancers. Ouais, bon anniversaire. Et les lions à partir du 23. Toujours dans le tracteur en Lozère. Petit bonjour à Vivian. Bonsoir Raph. Salut. Maintenant c'est Julien qui fait les pubs. Alexis 39. Je vous écoute de la Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe en vacances avec mon porte à français. Salut Mathieu du 40. Salut. Eh ben salut Man. Je suis sur la route. Alors je veux dire, je t'aime aux deux hommes de ma vie, Cyril et Nathan, Adèle et Ethel, toutes mes amies. Bonsoir Amélie. On dirait Ansel et Gretel quand tu viens. J'aimerais trop gagner une PS4. Bon, y a pas de problème les gars. On va se les offrir dans 2 minutes. Est-ce que tu pourras faire des appels de phare pour tous ceux qui sont sur la route? On fera un appel de phare en simultané. Je vous dirai 3, 2, 1 top. Et on se fera des appels de phare tout à l'heure pour savoir qui écoute l'émission. Si vous êtes dans les bouchons ou sur la route, c'est très rigolo à faire. On se le fera après. Mais d'abord, Anthony, ta copine t'a quitté, toi, 16 ans. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Ah. Alors genre. Ok, alors genre. C'est moi qui l'ai quitté, cette pute. C'est moi qui l'ai quitté. Le mec trop fier, t'sais. Parce que je suis avec mon mari. Qu'est-ce qui se passe, chérie? En Belgique, qui joue les Diables Rouges, le bruit de Lazare avec son petit cul, là. Je l'observe, me dérange pas, hein. Ok, ça fait quand même 10 ans que nous sommes mariés. Oui, oui. Et j'ai envie de t'en dire, mon vieux, ça me fait très, très plaisir ici, mais enfin. Oui, qu'est-ce qu'il de là parle à me toucher le cul quand je suis en train de balayer, ça me fout un petit moi, peu. Moi, j'aime bien, c'est ton côté narcisse en tout. Tu balayes, j'aime bien. Oh non. Pardon. Oh putain, le mec n'a aucune limite. Ah ouais. Excusez-moi. On va rigoler ce soir. Oh putain de merde. C'est vendredi, hop. Bon, comment ça va alors? Comment ça va, gros? Bon, je vais vous expliquer. Vas-y, je t'écoute. Alors, je t'appelle comment déjà? Recommence à zéro. Anthony d'Angoulême, 16 ans, Anthony, du 16. Angoulême, 16 ans. Voilà, du 16. Ok. C'est pas ton vrai prénom, Anthony, hein, je précise. Oui, voilà. C'est nous avons pris un faux prénom. Voilà, ouais. Ne cherchez pas Anthony, c'est marqué anonyme sur ma feuille. Ça veut dire qu'il a choisi volontairement de prendre un faux prénom pour pas qu'on le reconnaisse suite au sujet un petit peu délicat. Voilà. Donc, vas-y, raconte ton histoire. J'ai pas voilà. Ok, alors genre on n'était pas en couple. Alors genre tu vois, je suis rentré dans une classe, je me suis rapproché d'une fille et tout. On était amis, tu vois, genre amis. Et au cours de l'année, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour elle. Ouais. Donc je lui ai fait part, tu vois. Et ouais. Finalement, donc elle m'a dit que pour elle c'était qu'amical. Donc on est resté sur ça. Et à la fin de l'année, on a eu notre premier câlin, tu vois. Et à partir de là, on a commencé à se rapprocher. Donc elle a commencé à faire des sous-entendus, du genre qu'elle était pressée de me revoir dans ses bras, genre que j'avais pas intérêt à embrasser notre fille, tu vois, plein de trucs comme ça qui me donnaient l'impression, genre que genre j'avais ma chance et tout. Et au final, à chaque fois, elle me bloquait. Bref, voilà. Et genre on a eu une soirée, tu vois. Donc enfin avant la soirée, on a voulu faire un pas à pas. Pour essayer de se connaître. Ouais, et genre, mais en fait, en gros, t'es jamais sorti avec la meuf, quoi. Ouais, tu l'as pas eu, quoi. Je l'ai pas eu, mais genre, on voulait. En fait, elle était prête à essayer. Oh non, c'est une passe relation. Non, mais ça, c'est jamais. En gros, non, mais ça, c'est vraiment les plans en caca. Bah oui. Non, mais cherche pas, je sais même pas ce que tu vas me raconter, ça m'intéresse pas, moi, Anthony. Bah, tu mérites mieux, t'inquiète. Si la fille ne s'intéresse pas à toi, elle ne m'intéresse pas, Anthony. Moi, je veux que le meilleur pour toi. C'est vrai. Moi, Anthony, j'ai envie que tu trouves l'amour, j'ai envie que tu trouves ta moitié. T'as l'air d'être un mec bien. Si la fille n'a pas voulu toi, ouvre la poubelle et mets-la dedans, Anthony. Ouais, tu la mérites pas. Je parle au sens figuré. Et tu en trouveras une autre. Tu en trouveras une autre sur le bord de la route qui t'attend, Anthony. Mais là, dans la corbeille. Il n'attend qu'un truc, c'est que tu montes derrière toi, Anthony. Et tu montes derrière toi en moto et que tu l'emmènes comme ça. Et que tu sois heureux. Il y a ta princesse qui t'attend, mon Anthony, et c'était pas cette connasse, Anthony. Sois patient. Voilà, Anthony, tu as l'air d'être un homme en or. En plus, tu sens gentil. Oui. Voilà, t'as l'air gentil, Anthony. Ouais. Bah, bien évidemment. Je sens dans ton plexus que t'es un homme. T'as de belles dents en plus. T'as de belles dents. T'as un beau sourire. T'as un bon fond, t'as de belles dents. Ah ouais. Alors, tu vas pas me faire chier, ok, Anthony? Enfin, mets ta grande bouche. Tu vas aller avec mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime pas Anthony. Tu vas emmener Anthony, tu vas aller sur le site là qu'on va là pour trouver l'amour. Ah ouais, adopte un jeannot.fr. Je vais y aller, mais après, j'aime bien la chair fraîche, tu connais, attention. Adopte un TQ pour ça. Ah, y'a but! But! Ah, but! On va aller en Belge. Oui, mais but pour la Belgique. Ils sont chauds, la Belgique. Ils ont fait un sketch pour la Belgique. Eh, bravo la Belgique. Bravo. On est avec vous, les copains. Bravo à vous. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. But de la Belgique. Ouais. Finale. Ouais. Mais la Belgique, ils vont tous nous manger là. Bah, s'ils gagnent, ils jouent qui le Portugal après. Le dernier, à chaque fois qu'ils font des matchs, ils défoncent tout le monde là. On verra. À tout donner, je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour eux, très gymé du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent. Ah, c'est bon de vous entendre un vendredi. Bonsoir, Sly Geek. Eh, hey, salut man. Plaisir d'avoir salut, les Sly Geek. J'ai une histoire drôle. Quand je passe mon brevet, il y a un surveillant qui faisait des trucs chauds. Les limites, on dirait qu'il était bourré. C'était très gênant. Bonsoir à toi. Salut. Ça fait plaisir de vous écouter. Gros big up à l'équipe et à la meilleure équipe de radio, Alex, l'ancien stagiaire. Bonsoir, attends mon gros. Salut. Alors attends, rappelle-moi Alex comment alors. Parce que deux Alex. À la vidéo peut-être. Normalement oui, mais on a eu deux Alexandre il y a pas longtemps. Alors vous écoute tous les soirs pendant la douche. Hein, gros bisous à vous, Maywen et Sarah. Gros bisous à tous. Salut. Morgane, je t'aime malgré notre différence d'âge. Ludivine, courage à Jackie en prison pour 18 mois. Libérer Jackie. Faut libérer Michel après, mais c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il a fait Jackie alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous écoute de la Guadeloupe en vacances. Bonsoir. Alors salut les copains. Je viens Grimonet aussi. Guimonet. Salut, bisous. Florian Luc et Stella du 9-1. Voilà, j'en oublie aucun. T'as vu, Anthony, je fais mes choses bien. Ouais. On pense à tous ici, on pense à toi surtout, Anthony. Anthony qui n'a pas encore trouvé l'amour, le love. Ça va, t'inquiète pas. Oui. Non, mais la fille, quand même, de dire. Oui, je suis tiens en dessous. Non, non, je t'ai dit, tu raconteras pas ton histoire, elle m'intéresse pas, Anthony. Ouais, ça suffit, on s'en fout un peu. Mais... Moi, je veux juste, Anthony, ce soir, que tu repartes heureux, Anthony. Ouais. Oui. T'inquiète pas. Du bonheur plein les yeux. Est-ce que tu veux une PS4, Anthony? Ah, bah, bien sûr. Bah, je préfère finalement que tu me racontes ton histoire. Allez, vas-y, raconte-moi ton histoire alors. Ouais, bref. Genre, on a continué ce que tu vois, on a voulu faire ce pas à pas. Genre, ouais, tu t'es dit, on va se rapprocher, vous êtes engueulé, voilà. Et elle a dit, on recommence à zéro. Ouais, voilà. Ouais. Genre, essaye de faire des phrases entières. pas juste un mot et tu reviens en arrière, mon. Sinon, c'est pas comment clair, tu vois. Moi, je veux le meilleur pour toi, je veux la meilleure allocution, moi. Ouais, ouais, bonne syntaxe. J'ai envie que tu me fasses la meilleure des syntaxes. J'ai envie que tu me parles pas comme Ribéry, Anthony. Sois Molière un peu. J'ai pas envie que tu me fasses des. Ok, j'ai envie que tu me fasses des phrases fluides à la Elise Moon. Ouais, voilà. Très bien. Dès mon passage. J'en sais rien, j'ai. On peut même faire un exercice de diction. Hein. Oh non. On va chercher le chat. Oh non. On va chercher le chat de Sacha chez Serge. Voilà. On va où, Anthony, après là? Oh non. De quoi? On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. On va où après? Il a pas envie. Il va pas le dire. On finit l'histoire. Mais non. Tu aurais pas dit. Je vais s'agir. On va où? On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Non. Putain. Pas loin, pas loin. Ouais, je vais y arriver. Attends. J'ai le standard. On va où? On va chercher le chat de Sacha. C'est ce Serge. Et c'est toi qui demande. Eh ouais, mais c'est pas grave. Il s'est fait un truc de ninja. Ouais. C'était quoi ce gars? J'en ai marre. Le mec oublie qu'il est sur une radio nationale. Le mec, il se croit vraiment chez sa grand-mère. Il fait les temps sur sa chaise et tout. Le mec se lâche. Bon, allez, mon Anthony, on t'écoute, c'est pour rigoler tout ça. Par contre, tu me fais des phrases intéressantes parce que sinon, mon gars, tu me fais perdre le. Ouais. Ouais. Donc, t'as compris ce que je veux dire. On a commencé à vouloir se rapprocher. Fais court, fais court. Fais court, fais court. Plus court. Ouais. En une phrase. En une phrase, fais en une phrase. Fais en deux mots. Fais en trois mots. En un point. On s'est rapproché. Ouais, c'est fini. On s'est rapproché. Il y a eu une soirée. Ouais. Attends, vas-y, vas-y. On s'est rapproché. Il y a eu une soirée. Ouais. Et pendant la soirée, on était proches. Et au final, elle s'est rapprochée d'un autre gars. Et genre, elle a tout cassé d'un coup et genre. T'as les gars. Je t'écoute, je m'occupe. Ouais, ouais, bah oui. Vas-y, vas-y, raconte. Elle a tout cassé d'un coup et elle a genre, elle lui a fait des. Ils sont fait des massages, elle a dormi avec lui et tout. Et le lendemain, elle m'a dit que tout ce qu'on s'était dit, bah en fait, elle le pensait pas, enfin, en gros. Ah ouais. Voilà. Ouais, en fait. Elle voulait jouer, c'est tout. Bah ouais, c'était. Ouais, exactement. Ouais, exact. Non, mais alors, c'est tout à fait ça. T'es un peu un pigeon pour elle. Hein. C'est un peu une séductrice, quoi. Et après, ouais. Quand tu l'as. Mais moi, c'est horrible, ce genre de fille. Parce que moi, ça me brise. Et ma vie, c'est vraiment. J'ai passé toute ma vie à me faire briser le cœur par des femmes. Ah bah oui, évidemment. Par des. Mon petit cœur tout mou. Oh, et après, par des femmes qui ont joué avec moi, qui m'ont fait croire qu'elles étaient amoureuses, et puis non, et puis après, oui. Et après, tu sais, les filles. Oula, j'ai. Oh là là là là. Là. Le papy qui se pose non. Et qui raconte. Alors vas-y. Après tu vois les filles qui viennent pour ça, pour te faire du mal, pour te faire espérer, tu vois. Ouais, mais bon, le problème c'est que non, tu les vois pas. C'est attirant, quoi. Si. Un peu peste, c'est bien les pestes. Ah, ouais. Non, non, mais c'est le game. On les cherche un peu. Hein. Mais là, bon. C'est pas le game. En tout cas, Anthony qui est là d'Angoulême, c'est pas quoi, j'ai le standard. Amina, elle a dit le standard, elle a dit que c'était le game. Et c'est de pas quoi le game. De séduire. Ouais, moi je suis pas d'accord parce qu'il y a des filles, elles le savent. Et il y a des filles, c'est pour jouer justement. Depuis le début. On n'est pas des. De quoi, Amina, le standard? Non, il y a des filles, c'était leur concept en fait de vouloir jouer, mais il se passera jamais rien. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais elles savent qu'elles font du mal à ça. Oui, bah oui. Donc c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Elle s'en rendait pas compte. C'est mal. Pour elle, elle s'en rend pas compte. Ouais, c'est normal de ça. Ouais. Non, mais attends. Regarde le pauvre Anthony maintenant. Non, c'est ce qu'elle dit. Et un jour, tu vas te retrouver avec une fille qui te fera un bisou sur le zézé qui lui dit je voudrais pas te chauffer. Il y en a des comme ça. Ah, oui, non, mais quasiment, ouais. Attends, franchement, ça va, j'ai rien fait. La meuf, elle a ton sexe dans la main, c'est ça. Attends. Ça fait plaisir de vous écouter. Bonsoir à la meilleure équipe. Je t'embrasse très fort. Salut. J'aimerais passer, mais j'ai rien à dire. Bah, tu passes et puis tu nous écoutes par téléphone si tu veux. Avec plaisir, Guillaume, et votre message aussi. 612, hein. Si vous voulez passer, vous êtes à la maison ici, on est ensemble hein, les gars. Il est 21h19, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0, on fait 21h minuit, c'est facile à retenir pendant l'été. La semaine c'est la merde, mais parce que d'avant on faisait 22h, 1h à la semaine, ouais. Et 20h minuit le dimanche, c'est compliqué à retenir, là c'est facile. 21h minuit, les 3 dernières heures de la journée, on se retrouve le soir, jusqu'au 15 juillet. On se fait Pitbull, Macassi, on se fait El Taxi, bonne nuit les mecs. Et on parle des trucs que vous avez fait par amour et que vous regrettez. Guillaume, et votre message aussi 612, des trucs que vous avez fait par amour, les cadeaux. Bah ouais. Les voyages, des trucs comme ça que vous avez fait par amour et vous avez regretté après. Sur Énergie, on en parle. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts, enfin une de bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, ah ça dansant, un doux suçon, elle soupire et frissonne. En el taxi, la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura. Sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró.

always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. And last night I got high as expectations. Last night I came to a realization, and I hope you could take it. I hope you could take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Tous les soirs, quelqu'un qu'on piège pense que Guillaume est un gros con, un enculé, voilà. Mais c'est tellement bien qu'on continue. Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Allez sur Énergie. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Il est 21h30, hein, nous sommes en direct jusqu'à minuit. On fait 3 heures ensemble, il y a le foot toujours qui marche là, qui en marche. Il y a 1-0 pour l'instant. La Belgique. Ouais. La Belgique est en marche, la victoire de la Belgique. Attention, on sait jamais, mais bon. Est en marche, on est avec vous les copains. Ce soir, ils jouent la Belgique. Le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles. À Lille. Voilà, depuis 21h, ça fait 29 minutes de jeu. Et on se tient au courant, bien sûr, dès qu'il va se passer quelque chose. Hein, voilà, au moindre but. Hein. Ouais. Par amour, j'ai mis pas loin de 5000 euros dans des consoles et des jeux pour un con qui m'a fait du mal. Merde. Oh, merde. Moi, j'ai tout lâché, famille, amis, travail. Je suis parti la rejoindre à 1000 km pour rien. Alors, on se racontait trucs que vous avez fait par amour et que vous regrettez. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes, vous avez mis toutes vos économies de côté? J'en sais rien, vous êtes au collège, vous avez mis toutes vos économies de côté pour lui offrir un truc, je sais pas, un jeu pour la PS4, ça vous fait chier. Au lieu de l'acheter pour vous, vous avez offert un jeu pour PS4 à votre moment, copine, je sais pas, ouais. Et vous a quitté 5 jours après. Est-ce que vous avez, vous les mecs qui travaillez depuis, je sais pas, depuis 2-3 ans, vous avez déjà offert un blouson à votre copine en cuir pour son anniversaire, elle en rêvait. Vous lui avez fait, comme moi, comme un con. Avec une moumoute, elle est partie, même pas deux jours après, voilà. Avec le blouson, cette connasse. Elle a mis sa capuche que vous lui avez acheté, elle est partie. Est-ce que vous avez déjà fait un truc par amour, mignon, et que vous avez regretté? Ça peut vraiment être tout et n'importe la quoi. Famille, ça peut être un sacrifice, ça peut être. Arrêter un sport. Voilà, arrêter un sport. Louper vraiment, un match de foot important. Voilà, exactement, louper un match de foot, j'ai un stagiaire, tu avais loupé à l'époque. L'Euro 2006, la Coupe du Monde 2006. La Coupe du Monde 2006. France-Italie. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un truc par amour et que vous regrettez? Une autre truc que t'as fait par amour, je sais déjà que t'as regretté après. Bah, j'avais filé le mot de passe de mon PC à une meuf, j'étais amoureux d'elle, en fait elle me l'avait demandé, tu vois, donc je l'ai fait. Sauf qu'une fois elle a regardé sur mon PC et elle m'a cassé les couilles, mais à vie. Parce que je mettais des pornos, elle a pas kiffé que je mette des pornos. Alors qu'elle comprenait pas. Pour elle, c'était un peu. Elle a vu. Elle a vu, bah forcément l'historique, je l'efface pas, tu vois, je m'en fous. Ah, moi je l'efface. Mater un porno quand on en coupe, pour moi c'est normal. Ah, personne. Ah, mais oui, complètement, mais. Et elle m'a pris la tête pour ça. Ah, non, mais alors moi, personne à mon mot de passe, mais en plus, moi je l'ai fait une fois, tu vois, mais pas deux. Et c'est pas une raison, j'efface toujours mon historique. Ah ouais, c'est grâce à Amina du Standard. maintenant, je regarde sur mon portable souvent et m'a appris qu'on pouvait naviguer en privé. Ouais. Ah bah oui, exactement. Ah bon, et en fait, du coup, il y a marqué en bas à gauche sur iPhone, ouais, privé, et en fait, ça permet du coup de naviguer voilà, sans de historique. Alors bon, je savais pas ça. De faire des sales coups, c'est-à-dire. Ah bah je sais pas, t'as des trucs à cacher apparemment. Ah non, non. Ah non, bah moi c'est juste voir un film de temps en temps. Ah oui. Ah non, pas du tout. Non, mais pour dormir. Non, mais même quand je suis en couple et je suis très heureux, j'ai pas envie que ma nana voit que je vais sur des pornos. Enfin, voir l'historique, quoi. Voilà. Mais elle fouille après, tu vois. Oui, après, ça t'a énervé. Ah, mais elle m'a cassé les couilles pour des pornos. Et elle savait tout, les sites que je consultais, tu vois, les Facebook. Alors, et tous les sites que tu consultais. Que je consultais. Après, c'est pas un truc par amour. Bah, si, parce qu'elle le voulait, moi je voulais pas. Ouais. C'est une preuve d'amour de lui filer le mot de passe pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Et je fais un truc sympa, après elle me casse les couilles. Après, ce que tu fais, t'es un peu malin, tu fais deux sessions, tu fais une session que t'appelles Julien, et en fait, ta vraie session, c'est Marine. Ouais, mais maintenant, je vais le faire, tu vois. Ouais, ou tu prends un autre. Et nom, je savais pas, sur le moment, j'étais un peu naïf, tu vois, je file le truc, elle va dessus, et après, voilà. Ouais, moi, je ferais une session au nom de ma grand-mère, genre. Bah ouais, mais et c'est une cramé. Session à mon nom, et je dis, voilà, c'est ma grand-mère, faut pas y toucher. Bah arrête, Quand j'ai en vacances chez elle, elle y touche. Ouais, elle sent la couille après. Je peux pas donner son mot de passe, c'est que je ne l'ai pas, quoi. Bonsoir à toi, tu as raison, le vrai, les grosses poufias plus fort de la réalité. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il peut porter un masque de plongée, mais qu'est-ce qui se passe? C'était hier qu'on avait parlé de ça. Ouais, je crois. Oui, moi j'ai un ami, je lui ai offert quelque chose, il a attendu son anniversaire, il m'a dit ne voulait plus qu'on soit amis. Ah bah c'est encore pire. Ouais. Mon frère et ma soeur sortent ensemble, ils attendent un bébé, je m'appelle Marine, j'ai 15 ans, non je te crois pas là. Bah je sais pas. Ah oui, c'est elle que t'as eu, mais c'est pas vraiment son frère et sa soeur. Bah si, mais ils ont aucun sang en commun, voilà. Donc, l'histoire elle est incroyable, mais ils ont aucun sang en commun. Salut mon Roulzy du 94 aussi. Envoie un message. Bonsoir, Rosie. Bisous. Je me suis rasé les cheveux pour un mec, on peut dire qu'il me l'a mise. Signé Julien Stagiaire. Oh non, je regrette que mes parents m'aient fait un petit frère, c'est un enculé, salut à toi. Alors attends, laisse ton. Il y a un but partout apparemment. But des Gallois, égalisation. Il y en a un qui dit Julien Stagiaire, il dit de la merde. Il se marquait les Gallois. Il y a un but, ça le fout, j'ai stagiaire. Roulzy du 94. Mais Roulzy, ça le fout, dis pas ça parce que. Tu viens de se marquer, moi je peux pas dire plus que le but. Un partout là. Oui, but des Gallois, voilà. C'est bien, ça change un peu. Bon, je tiens au courant. Je me fais embrouiller à cause des Gallois, merde. But. Alors, est-ce que pareil, vous avez déjà fait un truc par amour que vous regrettez? JM du Standard. Ouais, moi je suis pas. On prend vos appels. Avec les filles. Guillaume et votre message avec votre numéro 612. Si t'as pas d'histoire, t'as pas d'histoire. Ouais, non, voilà, c'est ça. Et en fait, la seule fille avec qui je suis resté un peu longtemps, je lui ai offert une gourmette et elle m'a largué peut-être un mois après, mais c'est pas grave, quoi, tu vois. C'est le jeu, je m'en fous. Tu t'es pris pour son parrain. Mais là, un petit tonton JM, un petit il lui a offert un biberon, ça non, mais non. Mais t'as le droit, j'ai le standard. Ah oui, évidemment. Et donc tu vas vous faire un bavoir à ta chérie. Voilà, c'est ça, ouais. Et baver à table. Exactement, ouais. Je lui donnais à manger aussi. Et ben, au final, c'est bien ça. Non, et au final, elle m'a largué un mois après, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon. Et ben, félicitations. Merci. Bravo, mec. Alors, il y a beaucoup de réponses, hein, beaucoup de messages qui arrivent. Un truc par amour que vous avez regretté après. On va envoyer Jordan, notre apprenti, dans 2 minutes, dans un bar qui suit le match Belgique contre Pays de Galles. Et un partout. Ce soir, contre les Gallois, on va voir. Bah, j'ai jamais compris, Pays de Galles, pour moi, c'est l'Angleterre. Ah bah non. Non, dis pas ça. Ah non, mais je sais, excusez-moi, mais enfin pour moi ça pourrait les Gallois, c'est, ouais, c'est anglo-saxon. Mais pour moi le ouais, mais c'est, ouais, c'est ça. Pareil, quoi. Il parle anglais, ouais, britannique. Ouais. Attends, Pays de Galles, c'est où Pays de Galles? C'est Cardiff, la capitale, c'est je crois. Au nord. Ouais, ça fait c'est plus le rugby que oui, le foot. Oui, mais bon, pour moi c'est ça fait c'est comme l'Irlande. C'est dans l'Angleterre, quoi, voilà. C'est le Royaume-Uni, quoi. C'est une ouais, place, ouais, c'est voilà, c'est ça. Ouais, mais alors quelle est la différence entre Royaume-Uni, Angleterre et Pays de Galles? Il y a l'Écosse aussi. Flo des cadeaux. C'est l'union de plusieurs pays en fait. Mais alors quel pays? Mais c'est la même île. Bah il y a l'Écosse, il y a le Pays de Galles, l'Irlande. Et l'Angleterre. Ah, Irlande du Nord aussi. Et l'Irlande du Nord. Et il a instruit, Pépère. Ah ouais, il essaye. Mais Pépère, il a instruit. En même temps, il a mis un t-shirt avec un drapeau anglais sur le. C'est un article de journal anglais. Non, non, mais regarde sur ta manche gauche. T'as un drapeau anglais. Manche gauche. Ah, il sait pas où c'est la gauche. Ah, là, là. Il est instruit, mais il connaît pas sa gauche et sa droite. Ah, mais j'étais en Angleterre. Non, il n'y a pas de problème, mon gars. Alors, on va t'expliquer où c'est en haut, c'est en bas. Plutôt, ouais. Bon, on va prendre toutes les réactions. Vous êtes hyper nombreux à nous appeler. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un truc par amour? Vous avez déjà fait un truc par amour que vous regrettez? Guillaume et votre SMS maintenant, hein, au 6-11-12. Zao. Môme qui arrivera juste après. On se fera Aloha qui est un énorme hit. Et là on se fait Let It Go, il déchire James Bay. Voilà, si vous êtes en voiture, vous êtes entre amis, vous êtes peut-être chez vous au taf et tout, bon courage les potos. On se fait plaisir avec les plus gros hits sur Énergie le soir. 21h minuit, Guillaume, Radio 2.0, tout l'été jusqu'au 15 juillet. Ok. With you, now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Every everything that's broke. Leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me, and I'll be me. From throwing clothes across the floor to teeth and claws and slamming doors. This is all we're living for. Why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change, and we're becoming something else. I think it's time to walk away. Déménage ce soir, je suis dégoûté. Ah, ça c'est chiant ça quand il parle loin après. Ça va bien sur la musique. Ah, j'allais dire. Passez une bonne soirée en tout cas sur Énergie, les 21h38. Guillaume, Radio 2.0, on se fera Zao. On se cadre en entier là. On se fera plaisir avec Gims aussi. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Allez la Belgique, Clément de Perpignan. Ah, bon match. Le match 1-0 à partout. À partout, but des Gallois à l'instant. Putain, pour la... Ils ont égalisé. Bon, ouais, on était contents, la Belgique menait là. Ça serait bien là, qu'ils aillent. Bah, c'est pas ça fini. Serait énorme qu'il y ait un France-Belgique en finale. Ah, ouais. Au Stade de France. Alors ça, ça me ferait vraiment kiffer ça. Bon, ouais. Je vous embrasse en tout cas où que vous soyez. Merci les mecs, hein, de passer les soirées là, les gars. Moi j'ai arrêté mes études pour un homme, la loose, le chômage et le célibat depuis. Oh, salut Cécile. Faut pas. Un pêcheur voulait pêcher. Attends, un pêcheur voulait pêcher, s'aperçut que le pêcheur empêchait les pêcheurs de pêcher avec le pêcheur coupe à la perche. Oh, trop de pêcheurs là. Qui empêchait le pêcheur de pêcher, avouait papa. Ah bah voilà, tu vois, c'est facile. Mais avec le pêcheur. Je me suis fourré une barquette de frites dans les fesses, mais il m'a quitté 2 heures après, sinon je vais stagiaire. Arrête, on se racontait un petit peu, les, comme Anthony, les trucs que vous ayez fait par amour et que vous avez regretté. Tu m'entends Delphine au standard là? Oui, j'entends. Ça va Delphine ou quoi? Dans le Nord, hein, t'appelles dans le 59 toi Delphine. Salut. Ouais, c'est ça. Et eh ben enchanté Delphine, merci d'appeler. Hein, de quelle ville tu viens dans le Nord? Avenay-les-Aubert. Ah, Avenay-les-Aubert, eh ben, énorme, vas-y, salut à tout le monde, Avenay-les-Aubert. Dédicace à tout le monde. Hein. Tu fais quoi dans la vie Delphine, 23 ans là? Je suis mère au foyer. Ah bah c'est bien, ah bah voilà. T'en as combien des enfants? 3. 3, putain, énorme. Ah ouais. 23 ans, 3 enfants, c'est bien. Comment ils s'appellent tes enfants Delphine? Le premier s'appelle Zach, le deuxième il s'appelle Léonie. Et la troisième, elle s'appelle Florine. Eh ben, ah, c'est joli. Ouais. Florine, Léonie, Zach. Ouais, eh ben, c'est très sympa, bravo à toi. T'es toujours avec le papa? Non. Ah, merde. Enfin, le premier papa, non. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une famille recomposée, ah ouais. Ouais. D'accord. Voilà. C'est toi qui as inventé le mec bizarre qui te dit bonjour une fois sur deux quand t'arrives au bahut. Des mecs un peu chelous, tu sais pas trop. Ah ouais, tu sais, il y en a qui sais à qui te dire bonjour. Ouais. Et il y en a tu sais pas trop quoi. Alors tu regardes, dis bonjour une fois sur deux. Grave. C'est vraiment ça au bahut, ouais. C'est rigolo. Et tu sais pas pourquoi il y en a qui tu dis bonjour parce que tu les connais d'une fois, tu les as croisés une fois en soirée, du coup tu sais pas trop quoi leur dire, mais tu leur dis bonjour quand même. Un petit coucou. Dédicace aux voyageurs de Saint-Malo. Bonsoir les voyageurs de Saint-Malo. Grosse déception après un an et demi de relation larguée la veille de la Saint-Valentin. Moi j'ai acheté une maison avec mon ex par amour, salut David. Moi je n'ai rien fait par amour, mais je me suis pris que des râteaux, signé le PD du 78, salut à toi. Salut. Tu me manques, nounours, reviens vite, je t'aime, salut Maxime. Alors Delphine, qu'est-ce que t'as fait par amour que tu regrettes, toi, chérie? Bah, en fait, j'ai acheté des consoles et des jeux pour un gars qui me manipulait et j'en ai pas eu, enfin, pour presque 5000 euros en fait. Non mais attends, c'est quoi comme console que t'as acheté pour 5000 euros? Est-ce qu'une console, c'est à la limite 400, 500, 400. Il y a eu 3 PS3, une Xbox, 2 DS et tout plein de jeux à côté, les nouveaux 3 PS3 jeux. Mais pourquoi t'as acheté 3 PS3, ouais? Il les cassait? Bah en fait, si tu veux, c'était un gros geek et en fait, c'était des menaces et tout, donc... Non mais à quoi ça lui sert d'avoir 3 consoles? Moi j'en ai une quand je vais l'allumer. J'allume pour les toilettes, la salle de bain, ça. En gros, si tu veux, à chaque fois qu'il perdait une partie, ben soit il l'a lancé, soit il tapait dessus. Voilà. Et c'est toi qui les achetais? Non, mais t'es sorti avec un gogol. Hein. Ah ouais. Ah mais franchement ouais, j'ai ouvert les yeux trop tard. Mais comment c'est possible? Moi je comprends pas. Ou alors moi je suis jamais tombé sur une fille qui m'aurait déjà offert une console. Ah ouais. C'est alors, non, moi je les brûle, ça m'est déjà arrivé. Mais attends, moi je casse, genre je sors avec une fille et casse le cadeau que je lui ai offert parce qu'elle est énervée, mais qu'elle aille se faire foutre avant que je rachète. Évidemment. Ah non, mais alors, tu lui fais bouffer le cadeau. Jamais de la vie. Non mais jamais de la. Mais franchement, on t'achète une console Delphine, tu l'as acheté 3 PS3 parce qu'il est cassé quoi. Non mais attends, l'amour en compte. Non mais toi t'es gentil hein. Ah, ouais. Il faisait quoi dans la vie ce bâtard là? Non, il faisait quoi dans la vie ce mec là? Rien du tout. Ah oui, en plus. Ouais, ouais, il avait trouvé. Il avait trouvé la chalet, comment dire. Ouais. Bah, c'est ça. Bah. Il profitait de toi, il profitait de ton oseille quoi. Voilà. Et toi tu travaillais à l'époque? Bah non, j'avais un petit bébé en fait, donc. Ah ouais. D'accord, ok. Ouais. Putain, donc résultat, toi, tu donnais tout ton oseille pour lui acheter des consoles et des consoles et des consoles, quoi. Putain, c'est bête, hein, ouais. Delphine. Et... mais tu t'en es rendu compte, on a tous fait des erreurs, apparemment. Ouais. Ah ouais, mais heureusement qu'il y avait ma famille autour, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais peut-être encore manipulée. Hein. Ouais, putain, c'est comme une sexe. Parce que t'es, genre tes parents et tout, ils le kiffaient pas trop, ouais. Non, du tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, déjà là, ouais. Ça commence ouais, mal. Il aimait pas trop, ouais. J'ai un stagiaire, est-ce que tu as déjà présenté une fille à tes parents qu'ils n'ont pas aimé? Non. Ou ils t'ont dit, attention, pépère, là, celle-là, elle est pas. Ils sont trop gentils, bienveillants pour moi, en fait. Ouais, mais bon. Ça se trouve, entre eux, ils ont dit de la merde sur elle, tu vois. Et ouais. Devant moi, jamais. Ah oui, ils ont jamais. Comme dit... ma sœur, si elle voit une fille que. Voilà. Elle va dire qu'elle est bien pour moi, devant moi. Ah, ils jugent, mais après, elle peut-être, entre eux, ils vont dire, elle est pas bien. Ouais, elle est pas pour lui, mais devant moi, jamais. Ouais. Après, c'est ma vie, tu vois. Mais bon. Elle a l'air d'avoir un gros sexe. Pourquoi un gros sexe? J'aime ça, t'as jamais présenté de fille. Une fille, ouais. Ils sont bizarres, ces mecs, ils ont 30 ans, ils ont jamais présenté de fille. Bah si, bah si, on l'a pas. Je les soupçonne de cacher quelque chose. Ah, on cache quoi? Mais Daron, ils doivent. Non, parce qu'on est pas des lovers. J'aime les standards, mais Daron, ils doivent dire pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il va se ramener qu'un petit chéri. Non, c'est pas un petit dégarni là. Mais c'est pas. Attends, s'il faut, ça fera très plaisir. Bah, Amina du standard, t'as déjà présenté un chéri à tes parents? Ouais, un seul. Et alors? Un seul. Bah, ma mère, elle l'aimait plutôt bien. Enfin, je pensais en tout cas. Mais en fait, quand on s'est séparés, elle m'a dit ouais, tant mieux. Franchement, il servait à rien. Ah, c'était un tocard et tout. Ouais, ouais. Flo, des cadeaux, déjà présenté une meuf à tes parents? Ouais, bah ouais, je suis resté avec mon ex pendant 6 ans. Donc, ouais, je l'ai présenté évidemment. Ouais. Et il y avait des petites frictions avec ma mère. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, elle aimait pas les chiens? Elle tirait les cheveux? C'était un peu la guéguerre. Pourquoi elle aimait pas les chiens? Bah, parce qu'en fait, un été, on est resté à la maison pendant un mois entier. Et puis là, à vivre au quotidien, elles sont un peu pris la gueule. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, elles s'engueulaient et tout. Ouais, elles s'engueulaient et tout. Et moi, j'étais au milieu, il fallait que je gère le truc. Mais qu'est-ce qu'ils aimaient pas? Bah, c'était, je sais pas, ma mère avait l'impression qu'elle me volait, quoi. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, mais ça va, tu grandis, tu vis. Elle te volait parce que tu lui as acheté des trucs et tout? Non, non, pas du tout. Mais c'est lui, juste... c'est un peu la bonne poire, Flo des Crados. Ouais. Mais non, mais je sens que. Non, mais franchement, je pense. Pourquoi ton micro sature autant? Ah là, il y a eu un côté. Ouais, s'énerve. Parle plus loin, Flo des Crados. Parce que ton micro, il est pas fait pour parler trop près. Mais c'est bizarre que. Je sais pas. Flo des Crados, non, un peu. Un mélange, un caneton, un canard et un pigeon mélangé. Ah oui, un cajon. Bah non, pourquoi? Non, mais je sais pas, parce que t'es un gentil garçon, ça se voit, c'est marqué sur ta gueule. T'es gentil, mais je un peu casse-couille. Je sais pas comment je dois le prendre. Ah, c'est sa soirée, il non, est refait non, là. Pas du tout, non, mais il a une tête de gentil garçon, et tu sens que parfois, c'est un peu une teigne au fond de lui. Ah il bon a un petit côté teigne. Non, ouais. Amina du standard, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Ouais, rebelle à l'intérieur. Un gentil garçon, ça sent que c'est un gentil mec, mais de temps en temps, tu sens qu'il va te casser les couilles quand même. Voilà, laissez-moi la petite peste avec les couettes mais à c'est l'école. C'est pas méchant, peste. Hein. Non, bah, moi je trouve que tu fais un peu c'est enculé, pas c'est pas méchant. Non, c'est pas vrai. En plus, pour Flo des Cadeaux, c'est un amour. Alors, Delphine qui a mis 5000 euros dans des consoles. 5000 euros, même pas 500 euros. Tu faisais jouer au moins à la play ou pas? Ouais, tu jouais ou tu jouais tout seul en plus en chien? Il fait croquer. Oh non, il jouait tout seul. Ah ouais, Toi, tu regardes, il voulait pas te passer une manette. Sérieux. Putain, c'est quand même hallucinant. Regarde, il y a Aurélie, 23 ans. Bonsoir Aurélie aussi. Bonsoir. On reste dans la fille de 23, nous. Salut, Aurélie. Enchanté. Bonsoir. Enchanté. Et alors, on était dans le nord, on reste dans le nord, un peu plus haut, on va à Lens. Ah oui, 6-2, le Pas-de-Calais. Ouais, salut à toi. On dirait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aurélie? Moi, je travaille en restauration. Dans quoi? Dans une pizzeria. D'accord, ok, très bien. Une pizzaiole. Ah ouais. Pizza. Comment on dit une pizzaiola? Ouais, une pizzaiola. Une pizzaiola. Ouais. Si vous voulez. Mais genre, tu fais les pizzas ou toi, t'es serveuse en pizzeria? Non, moi, je suis à l'accueil en livraison. D'accord. Avec le scooter. C'est quoi le nom de la pizzeria? Non, c'est genre voiture. c'est genre une chaîne et tout ou c'est indépendant? Non, c'est indépendant. Ça fait 15 ans qu'ils l'ont. Donc. Comment il s'appelle? Bella Pizza. Pizzaiolo. Lente. Pizzaiolo? Ouais. Pizzaiolo. Bah, c'est le blaze. Moi, c'est efficace. J'ai pas compris. Bidon, attends, t'as pas un haut-parleur, Aurélie? On t'entend un peu mal. Non, je suis encore plus dehors. T'es aux toilettes? Non, mais là vraiment, on t'entend mal. T'as pas un kit main libre? Non, du tout, pas pour moi. Là, on t'entend bien. Tu tiens mal. Tiens-le par en haut, le téléphone, ma chérie. Ouais, Non, non, fait, non, non, mais c'est pas une blague. Pas hein. Le mec, il fait une blague de merde. Alors, tu vas te tenir ton téléphone par en haut. Ah ouais. Et ensuite, par en bas. Alors, attends, on va te reprendre dans deux secondes, juste le temps de te rappeler. David, qui est là. David du 62. Si, bonsoir, David. Ah bah, il y a du monde, là. Pas de Calais. Bonsoir. Enchanté, c'est le Nord. Papa. Hey. C'est qui, papa? Ça va ou quoi? Merde, j'ai fait tomber mes feuilles, gros. Salut. Bon, enchanté, mon David, 39 ans, du 62. Il est à la maison, il est là. C'est la première fois qu'il appelle ou il est déjà passé avec nous, David? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Je suis pas à la maison, je suis dans le camion. D'accord, ah. Ok. Eh ben, enchanté, mec. Merci, hein, David. Donc, tu m'as dit que c'était ton dépucelage? Exactement. Ah, j'étais pas sûr de. Eh ben, enchanté, dépucelage radiophonique. Alors, yépa. Yépa. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Alors, David, toi, tu t'es fait tatouer l'erreur. Ah, le prénom de la fille. On se racontait les trucs qu'on a fait par amour et qu'on regrettait après. Qu'est-ce que tu t'es fait tatouer, David? La grosse erreur de jeunesse, son prénom. Oh, allez. Pas permis, faut pas faire ça. Jamais. Ça. Même si tu l'aimes plus que tout. Putain, ça c'est une erreur, ça. Au pire, tu te maries. Ouais, mais bon, quand on est jeune, on réfléchit pas beaucoup. Hein. Ah ouais, non, mais ça faut réfléchir avant. Ah ouais, putain, mais ça vraiment, ça c'est. J'aurais beau être très amoureux, à part si vraiment, genre, je suis en mode. Et encore. Si j'ai un enfant, quoi, tu vois. Et encore, c'est. Non, mais non, le nom de mon fils ou le nom de ton fils. Ah, ou tes parents. Tu vois, tu peux te faire tatouer quelque part le nom de ton fils, ça c'est mignon. Ouais. Les enfants, les parents. Mais... Genre, tu l'as dans la peau. Ouais, mais sinon, bon. C'est vrai. Et s'appelait comment cette fille, David? Estelle, en plus c'est un long prénom. Ouais. Tu peux en retrouver une autre, quoi. Bah, c'est rare. Attends, et j'ai pas compris. Et t'as fait tatouer ça en langage, enfin en français normal avec des fleurs sans fleurs, avec des roses sans roses. Non, le prénom classique. Genre en Arial 12. Ouais. Souligné. Genre sur Word, quoi. Putain. Non mais bon, depuis le temps, c'est recouvert. Et tu l'as fait où? Sur l'avant-bras, ouais. Ah ouais, non, ça c'est quand même risqué. On voit tous les jours un peu. Au pire, tu peux un peu rattraper avec Christelle. Si ouais, Christelle, faut se trouver. Ben, ça marche pas. Hein, il y a un i. Alors. Une Christelle. Ah, c'est pas très beau. Estelle. Et alors, de Nio, c'était ton premier. Oui, mais dans ce cas, tu trouves une Estelle, justement. Ouais, mais une connue, je l'aide. On a compris la blague. Je connais pas, moi, tu sais, c'est le genre de mec, t'as plein de blagues en soi, et lui, il reste sur la première, il cherche des vannes. Non, mais c'est pour l'aider à trouver Estelle. Oh là là. Enzo, moi, j'ai fait Arsène Lupin, je lui ai pris bijoux dessous sexy pour sa gueule. Salut à toi. Respect à vous, dédicace à Transport Le Camus. Salut les Transport Le Camus. Salut Transport Le Camus. Bisous. Je t'écoute le soir et j'écoute tous les replays dans mon tracteur pendant 8 heures la journée après. Ah bah c'est gentil les gars. Salut. Et j'adore ce que vous faites. Et ben je t'embrasse très fort mon François. Merci pour ton message, il me fait plaisir vraiment. Moi j'ai aimé un mec qui m'a pas aimé en retour. Je lui ai fait des tas de beaux dessins qui ont tous fini à la poubelle. Salut Nat. Salut à toi. David qui a fait le tatouage. Il y a beaucoup d'appels ce soir. On se raconte un petit peu nos histoires. Tu m'entends Jonathan là? Ouais, je t'entends. Alors ce soir on fait une spéciale qui capte pas. Ah ouais, on prend que les mecs qui captent pas ce soir. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où tu captes un peu mon chat, parce qu'on entend vraiment mal là. Ouais, c'est bon. Ça va là, tu m'entends? Mais là mon gars, je t'entends en HD, je suis en 4G là. Merci beaucoup. Ah non, bah alors là, je suis sur WhatsApp là quand je te parle. Oh, ça va ou quoi? Tranquille là, John? Ouais, ça va, tranquille. Ça va? Tranquille, je t'appelle du boulot. Eh bah 29 ans, tu travailles dans quoi à 29 ans? Je suis dans la sécurité. Ah, sécu, t'es mec de sécu avec un chien sans chien, avec une lampe sans. Non, sans chien. Avec une bite sans bite sans couille. D'accord, sans chien, tu m'as dit, ouais. Avec Bomber? Ouais, sans chien. Sans moustache, avec moustache. Ouais. Sans poux, avec des poux. Putain, et d'ailleurs, en parlant de. Des poux? Non, alors attendez, j'ai vraiment un truc de fou que j'ai vu tout à l'heure, je l'avais noté en plus sur internet. Ça m'avait. Franchement, ça m'avait choqué là. Parce que je disais avec ou sans couille et tout. Il y a un mec qui a pissé sur un test de grossesse de sa meuf pour faire une blague, pour rigoler. Et en fait, ça lui a marqué qu'il était enceinte. Oh merde. Et donc, du coup, il a pris en photo sur internet. Il a dit putain, je viens de pisser sur un truc, je suis enceinte. En fait, c'est qu'il a un cancer des testicules. Et c'est dingue ça. Et donc, en fait, ça sécrète un truc. Et ça lui a, parce que c'est, ça peut être, c'est mortel. Hein. Et donc, ça lui a permis de le détecter avant et de se faire opérer limite. Donc, pour la blague. Quand même. Le hasard, quand même. Vous rendez compte un peu le hasard. Donc, c'est bien, c'est bien. Et juste, déjà, tu devrais essayer de chier sur. C'est le chien sur GMU Standard. Ah non, pourquoi? Avec le hasard, il va mettre une patate. Comme ça, je verrai si j'ai un cancer ou pas. Une grosse patate dans le nez. Ouais. Et ton sang, il va mal coaguler. Ah. Tu vas te rendre compte que tu as un truc. Imagine. Fessez les coumas. Fier d'être paysan. Salut Flavio là. Salut. Fessez les coumas.

collège Montesquieu à Évry dans le 91. Ouais, c'est ça. Salut les Sons. Toujours un partout, je viens de stagiaire. Allez, on suit le match ce soir. Ah, il faudra qu'on appelle Jordan Apprenti dans un instant. Ça va reprendre là bientôt. Alors, je vous explique. Je viens de stagiaire, il y a un match qui est en train de se jouer, c'est la Belgique qui joue. Contre le Pays de Galles, et toujours un partout. Et c'est pour la l'instant, mi-temps. Voilà. À l'Euro. Pour l'instant, un partout. Et dès qu'il y a le moindre but, je viens de stagiaire se met à pousser un cri. Bah, je jure là. Il fait du bruit avec son corps, peu importe comme il peut. Ah ouais, je me tape par terre. Vous l'entendrez, bref. Ouais, vous le saurez. On y va juste avant. Tu m'entends, Jordan Apprenti, ou pas? Ouais, ça va, ça va, t'es pas à l'américaine ici. Calme-toi. Jordan Apprenti. Ça, c'est les apprentis, il faut les calmer. Hein, faut... On l'arrivée qu'il a fait. Attends, alors arrête. Il s'est cru avec ça, Jordan Apprenti. Comme merde. C'est l'été là. Bon, baisse d'un ton, t'es pas mon cousin. Alors attends. Non, ça va ou quoi? Tranquille. Non, je plaisante. Ça va, toi? On s'embête un petit peu tous. Hein, voilà, c'est tous charrie. On fait tous n'importe quoi. On s'amuse à se mettre de l'huile dans les escaliers. On se fait que des conneries. Ah bah ouais. Les mecs, on se pousse dans les balcons. Ouais. C'est les mecs, il faut payer tout dangereux. On conduit la nuit. Plâtre. On va ensemble la nuit sur l'autoroute, les yeux bandés. Normal, un petit kiff. Ah, putain, vous avez vu, il y a une Tesla aujourd'hui. Il y a le premier homme mort dans une Tesla en mode automatique. Ah, il est mort. Il avait mis son régulateur de vitesse qui devait soi-disant freiner. Bah, la voiture n'a pas freiné. Et il est mort, voilà. Le pauvre. Il est mort en dormant, voilà. Donc il dormait. Ah, parce qu'il dormait en. Bah oui, en fait, il y en a plein qui font ça maintenant aux États-Unis. Ils se mettent sur l'autoroute, ils se mettent en mode Tesla. Comme quoi, faut pas le faire. Bah non, faut pas dormir quand même. C'était sûr. Ah oui, ça va arriver. C'est triste à dire, mais qu'à un moment donné, en mode automatique, il y aura forcément des accidents. Comme il y a des accidents avec les gens, quoi, finalement. Bah oui, évidemment. Et une erreur humaine, il y a une erreur informatique, donc il y en aura. Voilà, et c'est sûr que les législations après vont changer là. Et à partir du moment où il y aura 2-3 accidents, ça va commencer là. Bon, alors, juste Jordan Apprenti, t'es où? Alors, explique-nous où tu es là. Là, je me suis calé à genre même pas 20 mètres d'un bar là où il y a pas mal de gens. D'accord. Il y a beaucoup de gens dehors. D'accord, ils regardent le match du coup là. Ouais, ils ont l'air d'être bien. Ils ont l'air de vouloir s'ambiancer et tout, donc c'est cool. Il y a la télé, dans le match ou de la télé avec, à l'intérieur ou dehors? Grave, ouais. Non, ils l'ont mis à l'intérieur. D'accord, très bien. Attends, il faudrait que tu me donnes le nom du bar, s'il te plaît. Là. Le bar, il s'appelle Les Deux Stations. Les Deux Stations. Très bien, Les Deux Stations qui est sur l'avenue Murat à Paris, hein, c'est ça? Les deux stades plutôt? Non, c'est les deux stations, c'est juste à côté. Juste d'accord. Merci beaucoup. Merci de ta participation. Merci de ta connerie. Le mec, il dit une phrase, il dit une connerie. Comme d'hab. Émission spéciale. Émission spéciale métal. Bon, en tout cas, on va essayer. Donc, les deux stations, très bien. Donc, c'est sur le boulevard Murat ou c'est pas sur le boulevard Murat? Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Mais ça doit être non, ça, comment il s'appelle l'endroit où il est mort avec Claude François là? Excellence. C'est entre l'avenue Excellence et on peut rentrer des deux côtés, je crois, non? Ouais, il y a genre un petit truc au centre, mais ouais, c'est une rue des deux côtés. Voilà, c'est ça, Murat et Excellence. Pour ceux qui voient un petit peu, c'est sur Paris. Hein, je précise, pour ceux qui même sont déjà venus, c'est pas très loin du Parc des Princes. De l'arrière à côté, ouais. Alors, on va faire un truc. T'as une poussette avec toi, normalement. Ouais. C'est ça. Explique-moi ce que tu vas faire. Du coup, tu vas allumer l'enceinte et on va m'entendre dans le bar. C'est ça, ouais, tu vas pouvoir leur dire ce que tu veux. Ah, c'est bien. J'ai pris en bonus 2 cornes de brume, histoire de. Si on veut encore un peu plus mettre l'ambiance pour. Les cornes de brume, c'est les trucs de supporters. Oui, c'est les petits trucs qui vont. Ouais, très bien. Tu fais très très bien la corne. Vraiment, c'est un bonheur. C'est le talent. Moi, j'ai juste peur d'un truc, c'est que c'est quand même un petit truc un petit peu coincé, les deux stations. Non, j'ai un petit peu peur que ce soit un petit peu coincé-coinçou, non? Ah, je connais pas. Non, c'est pas l'endroit où ça tombe sur la tête quand même. Hein, ouais, c'est bien un bar de sport, quoi. Bah non, je croyais que t'allais aller dans un endroit où ça fait la queue leu-leu, quoi. Ouais, un bon PM. Est-ce qu'il y a des mecs avec des maillots ou pas? Est-ce qu'ils sont debout? Ils sont tous assis avec une chemise? Franchement, ils sont tous. Est-ce que ça chante? Et ils sont en train de, ils parlent entre eux, ils ont l'air bien familiers. Il y a pas des supporters, ouais, vraiment. C'est ça, ouais, c'est pas des mecs qui sont en mode écharpe. Ils sont pas bourrés. Je sais pas s'ils ont des écharpes d'ici, bon. Je sais pas. Ah ouais, parce que t'es vraiment à 1,2 km alors. Parce que. C'est beige, c'est rouge. Ouvre les yeux, genre. Il est de dos, en fait, le mec il est de dos. Il va faire toute la blague de dos. Je ne les vois pas, Très bien, et ben écoute, j'ai envie de te dire, mets-toi, tu vas rentrer dans le truc ou tu vas te mettre à l'extérieur? J'ai pas compris. Bah, si on peut se mettre à l'extérieur pour la chenille. Ça sera plus pratique. Non, moi je veux pas faire une chenille. D'abord, je veux faire un. Je voudrais entendre dans le bar crier. Ouais. Voilà. Parce que, est-ce que ça a repris le match, juste stagiaire? Non, pas encore. Ah, une minute, même pas. Ok, on attend que ça reprenne. On attend que ça reprenne. Et dans une minute, directement, on attaque le truc. Qu'est-ce qu'on peut faire dites-moi par SMS. Vous savez quoi, c'est vous qui faites cette émission tout le temps. Hein. Vous m'envoyez un message. Guillaume au début et vous l'envoyez au 612. Qu'est-ce qu'on peut faire à part un olé? Je sais pas. Qui serait marrant. Un pogo? Ouais. simuler un but. Non, ah ouais. Au cas où il y a un but après, pour s'entraîner. 3, 2, 1. Genre un chaos général. Ah ouais, c'est. Ou alors une. Ouais, ça c'est bon ça. Ouais. J'ai acheté des petits cadeaux bretons pour vous, mais je crois que le colis a été perdu. Ah merde, mais c'était pour vous malgré tout. Je regrette pas les meilleurs, Karine. Je t'embrasse très fort, ma Karine. Je n'ai pas reçu, salut. Effectivement, du 35. Je t'embrasse très fort. Un lancer de corne. C'est quoi un lancer de corne? Les cornes de brume. Un lancer de corne. Bah non, parce qu'en fait, les cornes, il appuie dessus, il fait du bruit. Pas des cornes. Éclater un fumigène devant le bar. Rien. Pas garde à vue. Au passage, liberté pour les ultras par SMS. Salut. Voilà. Un tchika tchika tchika. Ah ouais, bien vu. Putain, bah oui, la base. Bon, et c'est rigolo. Tu connais les gens, ça. Ouais, faut qu'ils te suivent, sinon tu prends un blanc. Mais non, mais vous me suivrez, vous. Bah oui, on s'en fout. Vous avez qu'à faire une partout. Merci, moi, Alan, de ce soir. Salut, Alan. Vous êtes pour qui ce soir? Écoute, ce soir, moi, je suis pour la Belgique. J'habitais deux ans et demi en Belgique. J'adore la Belgique. Je suis pour la Belgique. Je suis stagiaire. La Belgique aussi. J'ai mis un zéro. La Belgique aussi. Amina du standard. Ouais, pareil, Belgique. Tous des cadeaux. La Belgique, c'est des voisins. Eh ben voilà, on va voir si ça fonctionne. Alors, attends. Non, est-ce que c'est bon? C'est reparti, je suis stagiaire. Toujours pas. Toujours pas. Ouais, ils sont sur la pelouse. Ça dure combien de temps une pub? 15 minutes la mi-temps. Alors attends, juste avant, en 2 secondes, et on te retrouve dans 10 secondes, il y avait juste John, hein, John de Noan le Fuselier dans le 41. T'étais avec nous, tu m'entends toujours, mon John, la cage de sécu. Ouais, je t'entends. C'est reparti, je t'ai dit. Ah, bah, pile poil, quoi. Bah oui, bah. Bon, et mon John, raconte-moi d'abord le truc que t'as fait par amour et que tu regrettes. Oh, en fait, je connaissais une fille, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et bon, on était ensemble, on s'est séparés plusieurs fois. Parce que moi, avec le boulot de la sécurité, ben voilà, je suis amené à bouger. Et cette année, je l'ai retrouvée. Et pendant 6 mois, en fait, j'ai lâché un an de salaire pour elle et ses enfants, quoi. Un an de salaire? Un an de salaire. Pas vrai. En fait, t'es généreux, toi. J'avais en tout 9000 et quelques euros sur un compte et j'ai tout lâché, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce que tu leur payais? Je lui ai payé une voiture, j'ai payé des trucs pour les gamins et tout, j'ai payé la... Je crois que c'est 6 mois de loyer de la baraque que j'ai payé. Ouais. Avec 9000 euros, t'as offert une voiture et 6 mois de loyer. Putain, tu l'as rincé, quoi. Ouais, ah, t'es un prince. En fait, voilà, elle me disait j'ai envie de me remettre. Et j'ai découvert qu'au bout de... J'ai envie de me remettre quoi, ça coupe aussi. Ce soir, on fait une spéciale, mec qui capte pas. Amina du standard fait une session particulière. C'est le critère. On prend que les mecs qui captent pas. Vraiment, en dessous de 2 barres de raison, au-dessus de 2 barres, on coupe. C'est 2 barres max, vraiment, et encore. Ça vous fait chier. Une barre, vous êtes pris direct. Ah bah oui. 0 barre, c'est nous qui vous appelons. Et alors, attends, et donc John, un an de salaire, et la fille t'a trompé, c'est ça? Ouais, en fait, elle me disait, j'ai envie de revenir avec toi. J'ai découvert qu'elle avait quelqu'un, quoi, depuis 4 mois déjà. Ah ouais, oh là là. Ah ouais, c'est une vraie autre relation qu'elle avait, quoi. Putain. Double vie. Bon, on va en tout cas maintenant, ce soir, avec Jordan, notre apprenti, Jordan l'apprenti, rentrer dans ma série, c'est reparti. Ouais, c'est reparti, deuxième temps. Coup d'envoi pour la Belgique ce soir. Voilà, ça rejoue. Dès que tu vas mettre l'enceinte, je vais parler aux gens du bar. Est-ce que tu les sens chaud ou pas, Jordan l'apprenti? Je préfère que tu me dises non. Non, mais franchement, ils sont tous debout. C'est pas le bar basique qu'on pourrait croire. Donc ça va, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Bon, écoute, vas-y. Et tu sais quoi, mon jardin? On s'est pas du tout briefé, hein. Je l'ai pas eu hors antenne. Non, vraiment, ouais. On a fait ça à l'antenne. Très bien. Eh ben écoute, on y va quand tu veux, mon jardin d'apprenti. Bon, vas-y. Tu me dis 3, 2, 1 et t'allumes l'enceinte quand tu veux. Bonne chance, mec. Vas-y. Je me mets devant. J'avance. Hop. On est en direct. Il y a le match. On va rentrer dans un bar avec l'enceinte qui retransmet la radio. C'est énorme. Là, je pourrais parler à tout le bar. Je me mets devant. Attention, t'es prêt? C'est bon pour toi? Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, go. Oui, bonsoir le bar. Apparemment, nous sommes en direct des deux stations. Je m'appelle Guillaume Play, nous sommes en direct sur Énergie. Est-ce que vous pouvez faire du bruit si vous m'entendez? Voilà. Alors, il y a une meuf. Alors, on m'a dit que les deux stations étaient en train de regarder le match pour la Belgique. Nous sommes en direct. J'aimerais un petit peu plus de bruit, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Ah, ils sont là. Merci. Alors, nous sommes en direct du bar dans le 16e arrondissement, à boulevard Murat. Et donc, bon, il y a un petit écho, j'ai coupé ça. Est-ce que... Alors attends, on va faire juste un petit sondage. Est-ce que les gens qui sont pour la Belgique peuvent faire du bruit, s'il vous plaît? Ah, il y a du bruit là, voilà. Est-ce que les gens. Attends, est-ce qu'il y a du monde pour le pays de Galles? Faites du bruit. Attention. Alors attendez. Attendez. Avant qu'on parte, j'aimerais s'il vous plaît dans ce bar mettre un bruit champion du monde et que tout le monde crie comme quand on était en 98. D'accord, attention. Attention, on va vous demander les deux stations de vous mettre tout ça. Faites du bruit, attention, faites du bruit comme s'il y avait un but. 3, 2, 1. Ça revient. Ça va? Ouais, ça va, mon Jordan, tu peux sortir. Allez, hé, c'est la tournée de Jordan l'apprenti maintenant. Ouais, dépouillez-le. Non, ils sont beaucoup. Il offrira un verre à toutes les filles qui lui feront une trace de rouge à lèvres sur le front. Allez, tu peux sortir. Tu peux sortir, mon Jordan l'apprenti. Tu peux sortir. Bah non, j'ai resté du coup là. Ah bah ouais. Allez, ciao. Salut, à tout de suite, vas-y, reviens avec nous. Ciao. Bon match. Allez, reviens avec nous, on va voir en direct 22h07. Ça va, mon Guigui de la régie là? Ouais, ça va, nickel. Il passe dans le couloir, on fait de la radio en mode été. Hein. Je vous rappelle que c'est la dernière émission ce soir, comme vous la connaissez, puisqu'à partir de lundi, nous allons faire la roue des gens. Alors nous allons utiliser une roue. La roue des surprises. Bah pourquoi, Mina? La roue des gens, c'est la roue des cadeaux, écoute, d'habitude. Non, mais c'est la roue des cadeaux, mais tu n'es pas forcément un cadeau. Bah, ouais. La Mina du standard, ce serait la roue des peines. on va faire tout à l'heure tourner cette petite roue, on va rigoler. Voilà, le but du jeu, ça va être de s'arrêter sur un chiffre entre 1 et 6, et je pourrais faire peut-être l'émission tout seul, peut-être avec une personne, avec deux personnes. Ah ouais. Et chaque jour, ça changera. C'est Koh-Lanta, quoi. Et il y aura vos noms à l'équipe, et il y aura aussi marqué, je ferai une case avec auditeur. C'est-à-dire que je pourrais prendre une fois dans l'équipe, tous les soirs, ça changera. Une fois, on sera peut-être 3, une fois, on sera peut-être 6, une fois, on sera peut-être même 7. Voilà. Et ça peut être. Regardez, par exemple, il y aura. Je fais tourner la roue, ça va s'arrêter entre 0 et 6. Deux personnes. Voilà, deux personnes. Ah. On va la refaire tourner. Voilà, ça change à chaque fois. Tout seul. Voilà, ça veut dire que je pourrais faire l'émission tout seul. Et le lendemain, en fonction de la roue que je ferai tourner à minuit chaque soir, ça définira l'équipe. Ensuite, je fais tourner la roue. Donc là, je vais la faire tourner deux fois, parce qu'il avait dit deux fois tout à l'heure, avec deux personnes. Première. Flo des cadeaux. Voilà, exemple. Et après, on essaye, hein, c'est pour vraiment, ça compte pas. On verra pour lundi. Amina du standard. Le trio. Quand même. J'ai failli râler. Non, voilà. Moi, c'est Alexis. Je voudrais faire une dédicace pour Flavie parce qu'on s'est engueulé. Voilà, je vous adore de ouf. Merci, man. C'est Flavie. C'est très gentil, ça. Gros bisous. Si je viens à stagiaire, péter à chaque fois qu'il y a un but, on devrait condamner les buteurs. Salut, Lucas. Pourquoi ? Plaisir dans le 78. Alors, il y a un partout toujours. Entre le Pays de Galles et la Belgique, ouais. Bon, on espère que la Belgique va remonter. Hein. Deuxième mi-temps, j'ai pas envie d'aller jusqu'au pénalty. Hein, même si j'adore hier les pénalty. Hier soir, il y avait les pénalty. Hein. Ça m'excite, les pénalty. Ah, c'est bien. C'est un peu le truc de pute. Ouais. Hein. Le pire, c'est quand t'es en finale de la Coupe du Monde. Ah oui. Mais bon, c'est quand même beau, un but de la tête. Un petit 3-0. Au calme, t'es plus serein quand il y a 3-0. Ah ouais, c'est vraiment. Putain, c'est chaud. On verra l'euro. Dimanche, là. Je vais au stade pour la première fois. Je suis déjà allé à 30 ans au Stade de France, mais là j'y vais la deuxième fois. On m'a invité, j'ai des places là pour dimanche. Trop content. T'as de la chance. Si vous y allez, je vous croiserai peut-être là-bas. On va trop rigoler. Je vais à l'Islande. Et je vais aller surtout la France. Ouais, la France. Oui. J'ai la chance d'avoir des places pile poil pour un jour où il y a la France qui passe. Un truc les de bleus. Fou, quand même. Ouais, là, c'est chouette. Il va y avoir l'ambiance en plus. Ah bah, je pense. Ça va être la folie. C'est qui le papa pour les gens? Salut, Man, Amina. Du standard, c'est ma princesse Alicia. Bonsoir Alicia. Salut. Alors, on va retrouver au standard déjà dans un instant Antoine pour l'énigme, mais d'abord Guigui de la régie. Ouais. Il a fait un ouais qui m'a fait mal. Mais moi de loin. Sois doux, mon Guigui de la régie. Je suis doux. Bon, t'as passé une bonne journée? Non, très bonne. T'as un petit t-shirt trompette, tu veux faire de la musique? Ouais, hein. Voilà. Ouais, oui, tranquille. Tu fais de la petite trompette, toi. Voilà. Bon, on va faire ensemble ce soir. T'as trouvé des sons, c'est ça? Parce que chaque jour, Guigui de la régie, c'est le mec qui me fait les jingles, qui me fait. Qui me trouve les extraits. Je rêve de thunes de voyage. Qui me trouve les musiques bizarres, les musiques marrantes, ce qui me permet de faire l'émission. tous ces petits trucs là, c'est lui qui me trouve ça. C'est ça. Et qu'est-ce que t'as trouvé sur internet de marrant? T'as que deux sons aujourd'hui. Ouais, mais là justement, c'est pas sur internet parce qu'il y avait pas grand chose. Ah. Et ouais. Et mais j'ai par contre, j'ai trouvé deux trucs bien, enfin qui sont passés à la télé. Ouais. Du coup, le premier c'est sur Chéri FM, sur Chéri 25. Ah oui. C'est la même chose mais en télé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ouais. La chaîne des Chéri. Et en fait, il y avait une émission spéciale C'est mon choix, mais spéciale mère et fils. Ouais. Et en gros, les premiers invités c'était Neige et John. John, il a 25 ans et sa mère est du coup à 56 ans. Et le truc en fait, c'est que eux racontaient leur histoire, machin, et à un moment donné, la mère raconte un délire très bizarre que du coup elle faisait avec son fils. C'est très très bizarre. Bah, parfois, disons que je lui demande, je le sollicite, mais je pense que par amour, il le fait. J'aime bien quand je fais la cougar et puis qu'on se fait passer pour des amoureux. Quand vous baladez avec votre fils, vous voulez rendre les filles en face jalouses? Oui, tout à fait. Mais alors vous faites quoi? Vous prenez la main? Ah oui, oui, je prends la main, on s'embrasse sur la bouche. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. Avec la langue ou quoi? C'est quoi le problème? Si, si, et même, et même sur le plateau, ils l'ont fait en plus. Non, ils se sont embrassés. Mais il est trop vous, Chéri 25. Quoi. Ah, je sais pas, mais ils sont très forts. Ils ont de bons casteurs. Mais pour qui? Medgal. Oh. Ah, désolé. Bon, bravo les Gallois. Medgal. Il y a des surprises. Hein. Oh là là, fait chier. Ah ouais. Putain, on est avec vous, les copains en Belgique. Là, je sais que ça suit à mort là ce soir. Il reste une demi-heure, 35 minutes. Putain, bon, voilà. Écoute, on attend, on verra bien si ça reprend. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Bah non, faut y croire. Voilà. Oh putain, c'est horrible ça quand ta ville et ton pays. Si mener 1-0. Ah là là là là. Bon, on est là, les mecs. Guigui de la Régie, qu'est-ce que t'as en deuxième? Ouais, bah après, c'est sur Motus et sur France 2. En gros, il nous fait un petit zapping télé. Mais on est bien. Et du coup, sur France 2, dans Motus, il y a deux candidats qui ont perdu. Et du coup, Thierry Beccaro, l'animateur. On sent que la phrase dans France 2 sur Motus, elle est passée pile poil. C'est rattrapé limite. Elle était. Ça, il y a un petit problème de lag. De connexion internet. Là. C'est pas, et du coup, en fait, les candidats ont perdu. Et Thierry Beccaro, l'animateur, il leur a permis de faire une sorte de dédicace pour leurs parents. Ouais. Et du coup, le premier, il s'appelle Yann. Ouais. Il fait sa dédicace pour sa femme, pour ses enfants. Et son copain, le deuxième, Michael, lui, il fait une blague en faisant sa dédicace. Et le truc, c'est que Thierry Beccaro, il a rien compris à la blague. Un petit bisou rapide à la famille, aux amis. Oui, j'embrasse Elodie, ma femme, et mon petit loup, Maël. Un froid s'ennuie à la maison. Michael. Je fais coucou et je remercie Jacques et Michel. Voilà. C'est des prénoms, parce que c'est des prénoms qu'on choisit au hasard. Ils sont tous énervés. J'ai bien compris. Et moi, je vais saluer Jocelyne et Alain qui nous regardent régulièrement. Là, il croyait que c'était une vanne du mec. Qu'il avait sorti deux vieux prénoms. C'est ça. Il regarde. Malaise. La tristesse. Et c'est un. Comment ça s'appelle? Un site. C'est un. Merde, un site de cul, voilà. Ouais. Il est bien quand même. Il y en a qui connaissent pas. Stagiaire, c'est ton site de cul de prédilection ou pas, non? Non, en ce moment, je suis, ouais. Mais c'est vrai que c'est payant. J'ai une astuce. Ah, tu copie-colle le titre sur Google et du coup t'as la vidéo gratos d'une demi-heure. Ah, qui a été aspiré. Ouais, c'est deux sites, ouais. Ah. Petite astuce. D'accord, ok. Petit bon plan porno. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Petit bon plan porno. Non, mais c'est bien. Ouais. Mais sinon, c'est 5 minutes, 4 minutes. Et ça coûte combien quand tu dis que c'est payant? C'est cher ou pas? Ah, je sais pas, j'ai vu payant, j'ai arrêté moi. Ouais, c'est un audio tel, je paye pas pour ça. Non. C'est un service, tu sais, t'appelles ou on t'a moins SMS. Ouais. Après, la qualité, elle est pas ouf, je dis ça. Vous êtes déjà payé pour du porno? C'est une bonne question. Moi, ça m'est arrivé. Non. Moi, c'est jamais. Non, mais moi, c'est arrivé pour un site un peu particulier. Ouais, c'est quoi le site juste? C'est des sites spécialisés. Quoi. Ouais. Avec d'autres catégories un peu. Un peu pointues. J'aime le sens. Ouais, l'abonnement sur Net Échangisme. Ah, une ça fois, oui. Ah non, ça, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait longtemps. D'accord. Mais ça, c'est pas du porno, ça, c'est du. C'est pour toi, ça. C'est... Ouais, non, c'est pas vraiment ce qu'on veut appeler du. C'est pas un film porno, le truc. Oui, c'est plus pour trouver. Une meuf? Un couple à son pied, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Ou deux meufs, quoi. Ouais, ou deux meufs, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Flo, des cadeaux déjà payés pour le porno? Ouais, j'ai déjà payé, ouais. Enfin, pas moi directement, en fait, c'était le beau-père, le mec qui était avec Oula, ma c'est mère. Bon, c'est bien. C'est un peu glauque là. Ah ouais, j'ai Flo regardé mais porno non. Famille. Oh. Mais non, c'est pas ça. Non, alors vas-y. C'était le mec qui était avec ma mère à l'époque, je prenais son fixe et je lui niquais tout son forfait en appelant ah, pour. Ah oui, d'accord. Pour le film de cul à part en HD. Amina du standard, déjà payé pour du porno? Non, jamais. Non, jamais. Non. Et puis il y a moyen de trouver plein d'autres trucs au pire, donc je vois pas pour payer en fait. Oh ouais, c'est la meilleure de la soirée. Ça, ça vaut un but. Ça vaut un but. Ça vaut l'égalisation belge. Oh là là, il y a toujours 2-1 pour. Ouais, pour le but de Galles, 2-1, ouais. Il n'est pas payé. J'ai pas compris. Au secours, moi non plus, j'ai pas compris. Tu voulais dire quoi? J'ai même pas compris le sens de la phrase. Je voulais dire, il y a pas besoin de payer. Il y a plein d'autres façons de trouver des trucs. Ah ouais. Voilà. Mais comme, alors, c'est intéressant comment? Ouais. Bah, tu tapes machin, ce que tu veux, French porn machin. Il y a 50 pages. Tu as bien trouvé une vidéo à un moment donné qui est pas payante. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Alors attention, moi la fois où j'ai payé, c'était un truc 60 euros. All inclusive. Attends, attends, j'ai pas. 60 euros, c'est cher pour du X. Attention, attention. Oh. Oui, mais en fait, le truc, c'est que moi j'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des vidéos, vous avez remarqué, durent 2 minutes et sont souvent coupées. Ouais. Non, il y a des accélérés. Non, mais il y en a plein en accéléré. Ouais, et moi j'aime bien une vraie vidéo d'une demi-heure, mais que je regarde 3 minutes, vous voyez, mais je vais où je veux, je commence où je veux, ouais. Bien, parfois je reviens en arrière. J'ai bien aimé un moment en particulier. Ah, ouais, c'est ça. Ah, j'ai dit putain, c'est pas mal ça. Et je reviens. Bon, on est tous et, pareils en fait. Bah oui, bah, oui. Ouais. Et je reviens en arrière, et ben en fait, pour 60 euros sur un certain site que je ne donnerai pas ici, bah, si, parce il n'est pas 22h30. Ah merde. Et ben l'avantage, c'est qu'en fait, c'est tout en HD, que des vidéos 35 minutes et hyper quali. Et maintenant, je me fais plus chier aller sur un milliard de sites. À vie. Ah, 60 euros à vie. Et je me dis, ouais, c'est marqué à vie. Et si, bah après, peut-être que dans 5 ans, il n'existera plus le site. Ouais. Mais en vrai, je me dis, le nombre d'heures que tu y passes pour un homme. Je pense que vous allez beaucoup rire, mais ce que je vais vous dire est totalement vrai. Le nombre d'heures que tu perds à trouver une bonne vidéo. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je dors 5 heures, 6 heures par nuit, j'ai pas le temps. Le soir, je rentre, je suis crevé. Ouais, direct. Et ben, avant, il fallait que je. Et ben, tu gagnes, franchement, 20 minutes de recherche. Évidemment. Et ben, 20 minutes par jour. Mais c'est bien pendant 5 ans. Et ben, pendant 5 ans, ça vaut largement tes 60. Ouais, le temps, c'est de l'argent. C'est un investissement. Mais oui, pas direct, c'est un commercial. C'est pas pour si le bête que ce... Non, mais ce que je dis n'est pas si bête que ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Si vous réfléchissez, il faut mieux dormir 20 minutes de plus quand t'as pas la chance d'avoir. Mais est-ce que t'as le choix sur le site? Ah oui, non, oui. Mais... Non, mais attends, c'est important les catégories. La différence entre le site où je suis allé qui est payant. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Parce que la gamme des biens, des gros milieux en plus. Mais non, mais t'as plus rien. Parce que des fois, tu cliques sur des vidéos, il y a des pubs. T'as pas 25 spams qui s'ouvrent. Ouais, voilà, il y a des pages, tu tapes tes trucs et ça te propose des déclinaisons, des filtres, un peu comme dans Pornhub ou. Tube Galore, X-Hamster, X-Tubate. Non, le truc, c'est. YouTube, c'est pas fun, c'est. Tu kiffes. Tu kiffes. Ah ouais. T'as connu tout le mec. C'est comme ça. Mais aussi quali que en HD. Ah mais tu kiffes, c'est moyen. Enfin, moi je suis pas trop. Non, je veux dire, non, franchement non. Ah non, parce mais il y a la catégorie HD déjà. Parfois, t'as des trucs des années 80, le mec il a des paquets énormes. Ouais, non, c'est poilu des fois de ouf. Non, là c'est quali et c'est surtout tu tapes vraiment. Franchement, tu tapes dans ta catégorie, t'as 1000 vidéos à chaque fois. Ouais. Non, mais vraiment, et moi c'est abusé, je prends une catégorie, parfois ça peut me durer 3 mois quoi. Ah ouais. Et avoir une vidéo à chaque fois, non mais franchement, attends. Ah mais oui. Moi je trouve que sur. Non, mais va sur tukif.com, c'est gratuit. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Mais tu kiffes, franchement. C'est pas ouf. Moyen. Attends, franchement. Ils écoutent, tu kiffes. Franchement, pour 60 balles, je me dis que vraiment j'en ai pour mon argent. Ouais, tu l'amortis quoi. Bah oui, parce qu'en fait, franchement, en fait, pour un homme, c'est comme payer un verre à une meuf. C'est un peu honteux de le dire, mais le nombre de minutes et d'heures qu'un homme passe sur un site porno dans sa vie, c'est. Avec les sopalins, c'est. Bah, dès que tu te mets au lit, tu sais que tu vas t'endormir 20 minutes plus tard. Exactement, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, tu cherches. Oui, ça dure 20 minutes. Que là, franchement, je mets sur mon site, je tape une catégorie un peu pointue, je sais que je vais avoir même 1000 choix sur celle-là, quoi. Ah ouais. Tu peux sauvegarder ton historique de recherche et tout. Liste de lecture. Bah, tu peux mettre en favori et tout pour aller plus vite. Ah, toi, tu fais ça, ouais. Non, pas jusque-là. Je suis en navigation privée déjà. Ah, c'est vrai, ouais. Obligé. Pas que ça. Bon, allez, on s'est fait l'énigme juste après. Momi, merci, Guy, là. Il n'y a pas de soucis. Allez, on se fait Môme, on se fait Aloha. Et juste après, tu bouges pas, mon Antoine. On lâche en direct de Blagnac l'énigme, d'accord? Ok. J'ai les derniers drones des JI Phantom 3 pour la semaine. Et ensuite, on se fera le clash de la semaine à 22h30, dans 5 minutes qui arrive là sur Énergie. 22h19, il y a toujours 2-1 pour le Pays de Galles. La Belgique, ouais. Entre la Belgique qui joue malheureusement et qui est en train de gagner. On est ensemble et on s'écoute un des plus gros hits du moment. Il s'appelle Môme sur Énergie. Is it you until I

did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex right, as if there's nothing there? If I were sorry, avec vous toute la semaine, du lundi au vendredi et de 21h à minuit. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on y va sur Énergie. On va se faire maintenant l'énigme ce soir avec rapidement Antoine qui est là. Bonsoir mon Antoine, on offre des cadeaux. Antoine de Blagnac va faire l'énigme pour offrir des drones sur Énergie. On va filer des cadeaux, tous les uns plus beaux que les autres. Ils valent quasiment 1000 boules et ils vont surtout très haut. Allez, on offre les drones, hein, les DJI Phantom 3, ils défoncent. Il va d'abord falloir que je fasse tourner cette roue des phrases pour savoir combien tu vas donner de phrases en tout. Ça va de 1 à 10. On va voir combien ça tombe ce soir. C'est parti. Allez, de 1 à... Non, ma roue va de 1 à 10, moi. Ah, c'est parce que t'en as fait que 9, t'en auras jusqu'à 9. Mais t'as plus de chances que ça tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et ça s'arrête sur 9. Oh bah putain. Ah bah t'en as 9 ou pas? Oui, j'en ai 9. Oula, ah bah bien joué. Parfait. Très bien. Et ben ça peut aller de 1 à 10. Guillaume est donc la bonne réponse au 6, 11, 12. Si vous voulez, comme Antoine ce soir, Guillaume est la bonne réponse de l'énigme avec votre numéro au 6, 11, 12. Dans deux minutes, Savinien qui vient d'appeler du 53. Il veut énerver son père Jean-Paul, 47 ans, qui est éclusier, qui serait dans une écluse et qui apparemment il veut lui faire croire qu'il a fait des faux billets de l'euro qu'il a vendu sur le Bon Coin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a des mecs qui l'auraient arrêté. Et apparemment, le père, il va péter un câble. Ah, qu'il énerve. Il nous a dit mon père, c'est un malade, donc on va le faire dans deux minutes. Vous pouvez y aller en tout cas si vous voulez lâcher une dédicace, hein, si vous êtes là ce soir en direct à 22h29. Ouais, venez, hein. Guillaume au début du texto et vous envoyez votre petite dédicace au 6 11 12. On t'écoute mon poteau Antoine pour lâcher l'énigme. C'est la dernière fois, peut-être des vacances, hein, qu'il y aura des drones DJI Phantom 3 à l'occasion du film Ninja Turtle 2 qui est sorti mercredi avec Megan Fox, qui était produit par Michael Bay. Énorme film. Il est partout sur les arrêts de bus d'ailleurs, ouais, sur les bus partout là, sur les panneaux. Et la semaine prochaine, ce sera L'Âge de Glace qui va sortir. Voilà, c'est en décalé d'une semaine. Antoine, on t'écoute pour faire cette énigme en 9 phrases. C'est parti pour la première. Elle peut être grande. On peut la casser. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Attends. On va arrêter là deux secondes. Un dédicace au collège Ferdinand, bac Compiègne et surtout à la 5e D. Les mecs, nous ne sommes jamais là le vendredi. Je tiens à préciser. Hein. C'est extrêmement rare. Ouais. Je sais que vous êtes nombreux sur la route à partir peut-être en vacances dans le sud de la France. Peut-être le premier grand départ apparemment aujourd'hui, même si certains sont encore en cours, 1er juillet. Elle peut être grande, on peut la casser. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Putain, le mec, il a poussé un coup de... Putain, je vais lui casser là. Putain, il a une grande... Il a vraiment une sale... Il est pas beau, il a vraiment une sale... Guillaume est la réponse aussi, 112. Est-ce que ça serait la tête? Non. Non, c'est pas ça. La tête, 06 45 92 36. C'est pas la bonne réponse. Salut à Salomé, Lina et Clotilde. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est pas la bonne réponse, les chéris. Je suis désolé. Hein. Elle est peut-être grande. On peut la caser. La casser, pardon. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Là, t'as donné que 4 phrases sur 9. Il en reste encore 5. Vas-y, donne-en une autre. Les chiens en ont une. Les chiens en ont une. 22h31, clash de la semaine carré qui va tout défoncer. Bailar, juste après. Elle peut être grande, on peut la casser. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Les chiens en ont une. Sixième phrase, qu'est-ce que c'est là? Elle est de bois quand on a bu de l'alcool. Elle est de bois quand on a bu de l'alcool. Voilà la sixième phrase de ce soir. Attention, septième phrase, qu'est-ce que c'est là? Il ne faut pas aller dans celle du loup. Il ne faut pas aller dans celle du loup. Voilà, c'est pas. Il ne faut pas aller dans celle du loup. Hein, c'est la septième phrase de ce soir. On est saoul quand on se laboure. Huitième phrase. On est saoul quand on est saoul quand on se laboure. Putain, je me suis bourré là. Bonne chance. Je suis complètement saoul. Il ne faut pas aller dans celle du loup. Il ne faut pas se jeter dans la 1-1 du loup. Voilà, Guillaume, donc, et ce mot-là, avec votre numéro de téléphone dedans. Hein. Guillaume, et votre réponse avec le numéro de téléphone au 6-11-12. Juste, petit point foot, 10 secondes. J'ai un stagiaire. Il y a toujours le Pays de Galles qui joue contre la Belgique. Il y avait 2-1. Ouais, pour le Pays de Galles, toujours 2-1. Il reste un quart d'heure de jeu. Ouh là là là. Donc là, à mon avis, il faut marquer pour la Belgique. Hein, ouais, parce que là, c'est compliqué. On va voir les prolongations, au moins. Parce que là... Après, c'est un peu l'euro de tous les records. À chaque fois, ça marque à la 93e minute. Ouais, mais surtout, c'est l'euro des surprises, quoi. Quand tu vois le Pays de Galles, le Portugal, ils gagnent l'Islande. L'euro des surprises. Non, mais c'est vrai, bah, malheureusement, c'est vrai. J'ai un stagiaire. Ah oui, c'est vrai, attends. Ouais. Nous sommes dans l'euro des surprises. T'as l'Islande en quart de finale, les Est-ce Pays de Galles. Est-ce que ça serait le point, Antoine ? Pas du tout. Salut à toi, 06 46 47 33, c'est pas la bonne réponse. La tête aussi, hein, 07 87 02 29. Elle peut être grande, on peut la casser. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Les chiens en ont une. Elle est de bois. Quand on a bu de l'alcool, il ne faut pas aller dans celle du loup. On est saoul quand on se laboure. Ah putain, je suis complètement saoul. Je suis complètement saoul là. Attends, je me suis bourré là. Je suis complètement éclaté là. Je me suis bourré. Ah, grave. Guillaume et le mot aussi sans doute. Est-ce que ce sera un miroir ? 06 14 19 03. Salut à toi, c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que c'est le dernier message, s'il te plaît ? Quand on la tire, c'est qu'on boude. Quand on la tire, c'est qu'on boude. On n'est jamais là le vendredi soir. Il n'y a jamais eu aussi peu de messages. Ça veut dire que c'est le jour de l'année. Je vous mens pas en plus, c'est un gym de soir. Ouais, c'est vrai. C'est... Attends, parce que nous sommes jamais là le vendredi soir, c'est une surprise. On a même cru qu'il y avait un problème. Attends, c'est vrai. Donc, les gars, il ne faut pas croire. On a l'impression qu'il y a 1 million de messages, ce qui est absolument faux. Alors, s'il y a 40 bonnes réponses, c'est le bout du monde. C'est-à-dire, vous avez une chance sur 40 avec un SMS de gagner un drone DJI Phantom 3 qui est d'une valeur de 1000 boules. C'est vraiment c'est le plus beau des drones pour ceux qui connaissent, qui veulent faire un cadeau à un frère, à un père, à un oncle, à un cousin, à un poteau, à votre mec, les filles. Ouais. Ou par vous-même même. Hein, voilà, Guillaume est la réponse au 6-11-12. Faites-moi confiance, c'est vraiment le jour où il faut jouer. Elle peut être grande. On peut la casser. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Les chiens en ont une. Elle est de bois quand on a bu de l'alcool. Il ne faut pas aller dans celle du loup. On est saoul quand on se laboure. Et quand on la tire, c'est qu'on boude. Voilà, et donc vous envoyez au début de votre SMS Guillaume. Ça, c'est pour que ça arrive dans mon studio. Vous mettez le mot que je cherche avec votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler au 6-11-12. On t'appelle sur un téléphone fixe, Antoine ? Non. Ah, parce que j'entendais que tu soufflais un petit peu. Je me suis dit, il a peut-être essoufflé un petit peu. T'as monté un étage ou quoi en speed ? Il se cache. Non, j'ai juste tourné en rond pour me déstresser. Ah d'accord. Ah, non. Mais non. Attends, tu sais quoi, on va se mettre du yoga. Guillaume est la bonne réponse aussi. On se fait le clash de la semaine après une nouveauté. Il arrive aujourd'hui. Mans Zerlarmo. Écoutez ce missile Schuldvgonsom. On t'écoute maintenant sur NRJ. Écoutez comment il déchire sa nouveau hitsonage. Je ne trouve jamais rien de mieux. À croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu. Quel jour tu seras parti, j'ai ça dans la peau. Jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard. De peur qu'il soit trop tard. I should have gone home. Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je ne suis qu'un homme. Pays de Galles mène 2-1 contre la Belgique. De 21h à minuit et du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. Bonne soirée les gars. En ce premier jour du mois de juillet, ça y est, déjà, ouais. En ce vendredi soir, nous sommes en direct jusqu'à minuit comme d'habitude. Et puis il y a Savinien qui a appelé. Bonsoir Savinien. Allô. Papa. Vous allez bien? Allô. Ça va ou quoi, Savinien? Tranquille. Salut mec. Salut. Ça va gros, t'as 18 ans, c'est ça toi? 18 oui. ans. Et t'es du 53. La Mayenne, vers Laval. La Mayenne. De ouais, la Bazouge, des ailes. Ah oui, la Bazouge. C'est pas très très loin de Rennes, on est venu. Une heure même il y a pas. 15 jours pile. 15 jours pile. Ouais, c'est ça, ouais. On s'est pas vu toi, Savinien, non? Non, non, non, on s'est pas vu. T'as pas fait le déplacement sur le bar? Ah non, pas voulu. Bon, eh ben c'est pas grave. En tout cas, enchanté, poteau. On va énerver ton père, Jean-Paul. Oui. Le clash qu'on fait d'habitude le dimanche, on le fait ce soir, du coup. Est-ce qu'on n'est pas là le dimanche? On est à du lundi au vendredi pendant les vacances. Jusqu'au 15 juillet, là. On va appeler Jean-Paul, il est éclusier. Dans quelle ville il habite dans le Morbihan, là? À Guégon. À Guégon, dans le 5-6. Il a 47 ans, Jean-Paul. Tu vas lui faire croire quoi pour l'énerver, Sabine? Je vais lui faire croire que j'ai revendu des faux billets de l'euro, en fait, qui n'existent pas sur le bon coin. D'accord, c'est très bien. Contrefaçon. Pour le match de l'équipe de France de dimanche. Contre l'Islande. Ouais. Voilà, on sera là au taquet, en tout cas, contre l'Islande. Et mon Savinien, on y va, on fait le numéro de ton père dès qu'il répond, c'est à toi, d'accord? Bonne chance. Faire croire. Et moi, je me fais passer, je vais voir pour qui je me fais passer, on va l'énerver. Okay. On va l'énerver, ok? Allez, c'est parti. On y va, JM du standard, quand tu veux faire le numéro. Normalement, ça va sonner là. Voilà, hop. Ça sonne, c'est à toi dès que ça répond, mon Savinien. Oui, allô? Ouais, allô? Ouais. Ça va? Ah, ça va. Ouais, ça va. Dis, je t'appelle, j'ai un petit problème. T'es à la maison, là? Ouais, je suis à la maison, ouais. Ouais. Tu sais, je me suis dit, tu sais, je t'avais dit que, enfin, il y a longtemps que je faisais des lobbies sur GTA et tout, sur Internet, et que je me faisais de l'argent. Ouais. Et bah, en fait, là, j'ai trouvé un nouveau truc, parce que ça marche pas trop, et je voulais me faire plus d'argent. Et j'ai trouvé un nouveau truc, en fait, j'ai mis des faux billets de l'euro sur le bon coin pour me faire un peu d'argent de poche. Des faux billets de l'euro? Ouais, bah oui, mais mon patron, bon, il me paye pas trop, tout ça. Et tu vois, ça t'aurait fait une surprise, comme ton anniv c'est en juillet, je t'aurais acheté un petit truc et tout. Sauf que le problème, c'est que... Mais comment t'as fait... Ben, j'ai mis des billets, je les ai pas envoyés. Enfin, je leur ai envoyé de la merde. J'ai imprimé des trucs vite fait, je les ai envoyés, mais ils m'ont retrouvé avec mon numéro. Et du coup, il y a... T'as envoyé ça à qui? T'as envoyé ça à qui? Je sais pas, à des gens sur... Et du coup, ils m'ont retrouvé et il y a eu... Après, bon, il y a les flics, mais c'est... Enfin, c'est... Je suis un peu dans la merde, là, en fait. Donc, j'ai dit que, en fait, c'était plus ou moins toi, indirectement, qui m'avait dit de le faire. T'as dit quoi? Que c'était plus que ou moins toi. Quoi? Que tu m'as dit que c'était... Je leur ai dit que tu m'avais dit de le faire. T'as dit ça à qui? T'as dit ça à qui? Ah, parce que t'as été entendu par la police? Oui. Mais moi, je suis pas... allé leur dire que c'est moi qui... Alors, vous lui restez... Non, mais oui, non, mais... Vous lui expliquez que vous êtes en direct, le commissariat, et que, voilà, vous lui expliquez où on est. Oui, d'accord. Bon, je suis en direct du commissariat. C'est quoi? T'es en direct du commissariat? Écoute, papa, moi, j'ai pas envie d'être dans la merde. T'es en train de me dire que t'es en direct du commissariat? T'es où? Là, bah, je suis au commissariat à Laval. Tu es où, là? Là, tout de suite, tu es où, là? Je suis au commissariat de Laval. Vous allez me passer votre père pour l'entendre, pour le procès verbal? Oui, bah, tenez. Okay. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes Jean-Paul, le père de Savinien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bonsoir, monsieur. Alors, on va passer à votre audition par téléphone. On va vous donner rendez-vous au commissariat. On va passer à quoi ? Attends, arrête. Pardon ? On va passer à quoi ? Non, excusez-moi, vous venez de me tutoyer, monsieur ? Je suis pas votre cousin, moi. Je suis pas votre connard de cousin, moi. Vous me tutoyez pas. Je suis la police, monsieur. Mais la police. Mais t'es qui, toi, trou du cul, là ? Pardon, monsieur, espèce de mange-merde. Vous parlez comment, papa, la police ? Papa. Écoute-moi bien. Débranche. Mange-merde, mais c'est toi le trou du cul. Débranche, ouais. Pas le magnéto, là. Ah, c'est bon, le fil. Reste. Écoute-moi bien, trou du cul de merde, là. Tu as mangé ma merde, ma crotte, et tu vas pas me parler comme ça. Moi, je suis pas ta sœur. Qui tu parles à qui tu parles, là ? Je suis pas ta sœur, moi. Je te prends, je t'encule, d'accord ? Mais t'enculé, comment tu me parles, là ? Je te prends, je te démonte en deux, moi. Putain, vas-y, t'es où, t'es où, t'es où, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, viens, viens, moi je suis à la campagne là, il y a des petits endroits discrets. Viens là, enculé, va ! Suceur de nous, va ! Je vais te prendre, moi, dans mon comico, là, je vais te prendre. Enculé, va te faire enculer, toi. Je vais te mettre les menottes, là, comme dans ton club. Toi, t'es un branleur. Je vais t'éclater la gueule. Je vais t'éclater la gueule. Tu transpires la merde, tu transpires la merde, je te dis, t'es un trou du cul ! Je t'éclate, ta race, moi, suceur de nous. Suceur de nous, va. Reprends ton fils. Allez, raccroché ! Oh ! Il a crié, il a Je suis dans la merde. Énorme. Vas-y, reprends-le, parle-lui. Et puis après, on dit où on est. Allô ? Allô ? Ouais, Kat. Allô ? Ouais. T'as entendu quoi, papa ? Quoi ? Complètement énervé. Non, mais c'est, t'inquiète, c'est une histoire tranquille. Tu peux me le repasser ou ? Bah, il est parti au fond du jardin, il est complètement énervé. Ah merde, non mais, attends, ouais, attends, si tu peux aller le chercher, mais... ça serait fort sympathique. Oh ouais, bah, attends, je vais voir. Il assume pas ses actes, en fait. Non mais, vas-y, tranquille, j'en parle. Oui. Ouais, vas-y. Attends, parce que j'arrive pas. Je sais pas ce que t'as fait, mais attends. Tiens. Ouais. Bon, de... Ouais. Tu t'es calmé ? Vas-y. Quoi ? T'as fait ta crotte au fond du jardin, c'est bon ? Arrête, je me calme. Où on a été ? Ouais, du coup, moi, je suis dans la merde. Faut que tu viennes me chercher, là. Non. Mais c'est bon. Il est fou. Mais quoi ? Non. Tu diras à ton père, le délinquant, là. Non, mais c'est bon. Mais va fermer ta gueule, toi, là. Dis-lui où on est, Savinien. Papa. Dis-lui où on est pour de vrai. Papa. Ouais. On est sur Energy. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque soir. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Mais qu'est-ce que j'aime cette émission. Jean-Paul, on est en direct à la radio. C'était une blague. Votre fils, il a voulu vous piéger. Bonsoir, Jean-Paul. Ouais, super drôle. Oh là là. Mais en plus, c'est vraiment le contraste entre le fils qui est là. Alors, papa, t'as fait ta crotte. Il a des toilettes sèches au fond du jardin, c'est pour ça. D'accord, ok. D'où la crotte. Bon, bah, très bien. Bon, Jean-Paul, tout va bien. Tu pourrais dire que tu l'aimes à ton père, Savinien. Bah, papa. Oui. Papa. C'est la tête. C'est quoi, il est vénère. Jean-Paul. Quoi? Je t'aime pas. Non, mec, je t'aime bien. Je t'adore. T'as été génial. Non, mais le mec est énervant. Jusqu'au bout. Non, on dit pas je t'aime bien, on dit je t'aime à son père. Oui, je t'aime. Je t'aime, ouais, papa. Ouais, okay. Il rigole. Bon, ouais, c'est de la gêne. Ouais. Bah, tant mieux si tu rigoles. Ouais. Bon, et Jean-Paul, grâce à ça, vous avez offert un beau cadeau à votre fils. On va regarder ce qu'il y a hors antenne et tout, mais vous lui avez offert un beau cadeau. Il a permis de faire le clash de la semaine. Ouais. Bravo. Donc, bah voilà, sans le savoir, vous avez offert un beau cadeau à votre fils, quoi. Bah, il va le revendre, il va me payer une cure de repos, là. Bon, on vous embrasse, Jean-Paul, on vous laisse souffler. Faites une bise à votre femme, d'accord ? Bonne soirée. Hein. Ok. Allez, bonne soirée, au revoir, Jean-Paul. Bon, en tout

nous, c'est déjà la fin des vacances, finies, les soirées hot et sexe du Cap d'Agde. Trop la loose de rentrer sur un. Heureusement que je vous écoute pour me remonter le moral. Mike et Patoche, salut Mike et Patoche. Salut les gars. Ça fait un peu Jackie Michel, Mike et Patoche. La nouvelle version. Alors, Antoine qui avait lâché l'énigme ce soir, on va la terminer. Il y a 30 secondes de pub et ensuite on va la terminer. Et on va retrouver Luc qui nous a appelé, qui est à la rue depuis 4 jours. Voilà. Ah, merde. Qui a tout perdu d'un coup. Il va nous raconter le pauvre chien. Il va nous raconter un petit peu ça. On va essayer de l'aider. Apparemment, il est très sympa, très rigolo. Et élimination à l'instant. Ouais, de la Belgique. Voilà, coup de sifflet final pour la Belgique ce soir qui ressort. Ouais. Tu supportes un petit peu la Belgique aussi, toi, Antoine? Bah ouais, c'est des cousins quoi, ils sont à côté de chez nous. Moi, c'est vrai, ouais. Moi j'étais complètement à fond. Il perd 3-1 contre le Pays de Galles pour la Belgique. En plus, il menait 0 je crois. Ouais, 1-0, voilà. Bon. C'est ouf. Voilà, je vois des copains belges là sur Facebook, ils disaient donc en fait l'arbitre des Gallois de penalty pas sifflé en 5 minutes. Après malheureusement, j'ai pas vu le match, mais bon. Moi non plus. Bon, on va se faire 20 secondes de pub et juste après on termine l'énigme, je vous offre les DJI Phantom 3, les drones et on va retrouver Émilie qui a une histoire de fou et Luc qui s'est retrouvé à la rue, il va nous expliquer comment juste sur Énergie. Vous êtes auditeur d'Énergie. Et vous serez parmi les rares privilégiés à assister à la finale de l'Euro 2016. En plus, juste avant le match, vous rencontrerez David Guetta au calme à son hôtel. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. J'ai entendu le double hit. Et vous gagnez un événement dont vous vous souviendrez toute votre vie. La finale de l'Euro 2016. Pop, R&B, Dance. Ici, c'est Énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Reza, Willy Williams, Souf, Boussy, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. It music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La perceuse à percussion avec poignée de force et jauge de profondeur à 27,90€ chez Leclerc. Du 29 juin au 9 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est la perceuse à percussion garantie 2 ans à 27,90€ au lieu de 34,90€, soit 7€ de réduction. Une perceuse comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Énergie, it's music only, avec Jennifer en concert. C'est Jennifer sur Énergie. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations, énergie.fr, livenation.fr et point de vente habituel. Jennifer en concert, un événement Énergie. Il aura fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ils sont où les autres? Je sais pas, tu veux quoi d'autre? On a perdu tout le monde, les gars, merde! Pourquoi y'a plus de bruit? Je sais pas. Attention derrière! Attends, mais c'est pas un casque que t'as sur la tête, toi, Jackie, qu'est-ce que tu fais? T'as une casserole! Mais si pourquoi t'as une casserole? C'est mais le casque que... sur la tête du con! J'étais à la cantine et je mangeais, j'ai fini trop tard et avec ça sur la tête! Mais t'as une pâte sur la tête! Mais c'est le cuisinier, c'est un italien, et voilà! Ouais. T'imagines si on faisait un film? Ah ouais. Ça serait drôle, hein. Ah. Bon, bon anniversaire déjà si vous êtes né le 1er juillet. Il y avait Antoine qui était là pour la chaîne. C'était quoi le truc pour savoir l'infotrafic? JM du Standard, on avait un site là. C'était pas Citadin avec un S. Citadin, ouais, il y a longtemps. Voilà. S-Y, ouais, je vais regarder parce qu'apparemment c'est la. C'est... Non, c'est. Oui, S-Y-T-A-D-I-N. Ouais. Apparemment c'est bouché dans un petit peu pas mal d'endroits. Bon courage à vous si vous êtes sur la route. C'est départ qui commence à être rouge ce soir et noir demain. Premier gros départ, donc bon courage à vous tous. On va se retrouver avec Antoine, du coup, qui est là en direct de Blagnac, du 31. Vers Toulouse. Voilà, exactement là où il y a l'aéroport. Ouais, c'est vrai. Ouais. Blagnac. Les Airbus. L'aéroporto. Bon, Antoine qui est là, on va lâcher l'énigme. Je vais répéter. Tu vas la répéter une dernière fois, mon poteau, s'il te plaît. Okay. Il y avait 9 phrases et je vous offre les drones. Et ensuite, juste après, on parle de cucu. Il y a 2 histoires incroyables qui sont vraiment intéressantes. On est encore une bonne heure ensemble. Je suis bien content. Guillaume et la réponse avec votre numéro au 6-11-12 sur Énergie. On t'écoute, Antoine. Elle peut être grande. On peut la casser. Elle est sale quand on n'est pas beau. Certains en poussent des coups. Les chiens en ont une. Elle est de bois quand on a bu de l'alcool. Il ne faut pas aller dans celle du loup. On est saoul quand on se laboure. Quand on la tire, c'est qu'on boude. Qui suis-je ? Qui suis ce soir ? Je dis bien qui suis et non pas qui suis-je. Je vous rappelle que nous sommes là pour vous offrir ce soir des drones DJI Phantom 3. Voilà, c'est le cadeau du soir. Nous sommes sur Radio Pimpin, la radio qui concurrence Radio Classique. Oh, j'ai de la chance ce soir d'être assistée par Victorinette, mon assistante. Oui, bonsoir, je suis Victorinette, l'assistante. Enchantée de vous connaître. Je vous rappelle que ce soir, nous allons, en plus du drone, notamment DJI Phantom 3, vous envoyez bien Guillaume et votre réponse aussi 11-12, mais en tout cas, dans un instant, je tiens à dire que nous offrons pas seulement le drone, Victorinette. Non, nous offrons également le violoncelle du petit Gutenberg. Voilà, Gutenberg. L'authentique violoncelle de Gutenberg offert par son grand-père lors de la soirée de Noël. Son grand-père qui n'avait pas le même nom de famille et qui était très connu, mais pas du tout pour la musique. Non, il s'appelait Alain Prost. C'était le célèbre pilote de Formule 1 que vous connaissez tous. C'est le moment. Il nous sort Alain Prost. J'ai des thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le voyage, on va changer de paysage. J'étais dans la lune, puis sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on incarcère. Pour eux, très chimé du mien, je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les raisonne. T'entends chanter, je me sens là. Ouais, c'est le mort. J'ai pas l'impression de tout casser. Ouais, mais tu l'as jamais jusqu'à ce moment-là. Et c'est pas le karaoké. Hein. Non, mais l'autre, il a vraiment. Il à la maison. Il s'est couché japonais dans le train. À Paris, c'est chinois qui s'arrête japonais. C'est la famille, c'est cool. Et le mec, il se croit chez sa grand-mère. Non, mais l'autre, il était en direct sur Énergie, mon garçon. Là, t'es sur la radio nationale, j'ai de mettre chanter. Ah ouais, j'aime bien. Il est comme il est, quoi. Il faut se resituer parfois. Il faut se resituer. Plus grosse radio d'Europe. Le mec, on peut faire pas les paroles. Non, mais alors bon, je vais te proposer d'aller faire un petit tour et puis de revenir l'année prochaine. Non, je veux la roue. D'ailleurs, et on va faire tourner la roue dans 5 minutes pour savoir qui sera avec moi lundi. Attention, lundi on fera tourner la roue pour savoir qui sera avec moi mardi. On fait tous les jours tourner la roue. La main quand même, on verra qui gagne. On peut même prendre, si ça tombe sur un auditeur, je ferai peut-être que l'émission une fois avec l'un d'entre vous. On le fera. Mais d'abord, Antoine était là pour cette énigme. Est-ce que la réponse c'est la gueule? Elle peut être grande gueule. On peut la casser la gueule. Et c'est gagné. Elle est sale quand on n'est pas beau, sale gueule. Il a une sale gueule. Certains en poussent des coups de gueule. Les chiens en ont une, ils ont une gueule. Elle est de bois quand on a bu de l'alcool, la gueule de bois. Ah, c'est connu. Il ne faut pas aller dans celle du loup, aller dans la gueule du loup. On est saoul quand on se laboure, on se bourre la gueule et quand on la tire, c'est qu'on boude. Voilà, quelle est la bonne réponse au 6-11-12 Guillaume, donc, et ben c'était ça. Donc on va faire un tirage au sort parmi toutes les réponses et on va vous appeler à l'antenne. Amina du Standard est en train d'essayer de trouver l'orthographe du mot gueule. Ouais. Elle a écrit gueule. Google. Non, on a mis exprès, je vous explique, Amina du Standard, dans le logiciel, à taper plusieurs orthographes. Il y en a qui ont mis deux L. Pour que tout le monde puisse gagner, même si tu as mal fait l'orthographe, en tout cas, vous avez quand même la possibilité de gagner. Voilà. G-U-E. En fait, ça s'écrit G-U-E-U-L-E. Comme une gueule. Et elle a mis 2 U, 2 E, 1 E, 1 U. Ouais. Bref. Voilà. Voilà. On a même marqué pipe et tout dans le truc. Avec un double bleu. Emballé, c'est pesé. Ouais. Non, mais elle a mis tous les orthographes. On a fait un tirage au sort. On appuie sur le bouton. L'ordinateur appuie un numéro et ça va sortir sur un SMS au hasard. Voilà, la vie est bien faite. Il est 23h. On va faire tourner la roue pour savoir qui sera avec moi demain. Alors, apparemment, attends, on va retrouver. J'ai un petit extrait apparemment d'une autre radio. Allô, bonsoir mon con. Oh là là. Ah, oh t'as là vu là. Voilà, oh c'est l'élu de l'ordinateur. Salut. Ah là là, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça mon gars. Ah, avec des petites patates au four, c'est très bon. Ah bah c'est bon ça. Eh bah enchanté mon gars là, c'est quoi ton prénom? Grégory. Quand, eh ben très bien. La radio de Ringard des années la radio avec de... le klaxon. Elle m'énerve cette poubelle remplie. Oh, ça. Bon. Ça va ou quoi? Ah bah il fera. Attends. Comment tu t'appelles? Grégory. Ah non mais c'est tellement ça, c'est les DJ à l'époque là. Ouais. Attention, on y va, il y en a qui veulent écouter du NTN. Ah putain. Bon Greg qui nous vient de quelle ville, Greg? De à côté de Nantes. Grégory de Nantes. 44. Très bien, dans le 44. Très bien. Voilà. Qui fait quoi dans la vie, Greg? Chauffeur laitier. Chauffeur laitier. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai mis le standard, j'ai coupé le micro. Ouais, livreur de lait. J'ai viens de dire mais livreur de lait. Non, parce que tu t'appelles Grégos du 44, je parie. Voilà. Ah ouais. Mais mon gars, ça fait des années que t'es là, bien sûr. T'as vu, tu m'as dit Greg du 44. Quelle mémoire. Non, mais, voilà. Non, mais d'ailleurs, et moi, je sais, ça choque tout le monde, mais quand je croise quelqu'un, quand on va à Rennes, à Rouen, à Caen ou quoi, et qu'on s'est rencontrés 3 ans après, vous passez à la radio, je sais qui c'est. C'est pour ça qu'on vient vous voir toutes les semaines dans les villes. Ouais. Parce que moi, c'est très important. Et Grégos, on ne s'est jamais rencontré, mais tu as déjà envoyé des SMS que tu signes Grégos du 44. Voilà, c'est ça même. D'accord. Et tu travaillais chez Anceny. Non, chez. Non. Laïta. Ça a changé, ouais. Je sais que ça a changé de nom, Laïta, non? Bah, non ouais, avant, c'était. C'était un autre nom, en fait. Et ça s'appelait comment? C'était l'étrier du Val d'Anceny. Ouais, exactement. T'as vu, j'ai dit d'Anceny, je viens de le dire. Non, mais attends, non, mais c'est pour venir, je me rappelle du nom de. Ouais. Non, mais attends, je viens de le dire ou pas? Je viens de le dire. Ouais, on est témoins. Alors voilà, bon, attends. Tu viens de le dire? Attends, je me branle. Non, hey, mon Grégo, en tout cas, bravo à toi, gros. T'as gagné un DJI Phantom 3, je t'envoie le drone. Bravo, ouais. T'as du cul parce que c'est vraiment un beau cadeau ce soir. Et c'est le dernier. Et c'est le dernier. Ça fait plaisir. C'est le dernier avant la semaine prochaine. Non, mais la semaine prochaine, on sait pas encore les cadeaux. Ah si. Ah si. On a des trucs, c'est Alors attendez, je vais vous dire les cadeaux. Ouais. Juste avant, je voulais juste vous dire, avant la fin de l'émission, j'ai encore, grâce au jeu Lego Star Wars, le réveil de la force sur PS4, des PS4 et des jeux justement Lego. Je vous les offre tout à l'heure avant la fin de l'émission. Et là, on t'offre un drone DJI Phantom 3. C'est l'occasion de la sortie du film Ninja Turtle 2. Voilà, il est sorti mercredi, défonce avec Megan Fox. Sortie Ninja, quoi. Qui est ultra belle dedans, en plus avec Michael Bay qui produit. Et voilà, on vous file du coup le drone. Je te l'envoie demain, mon Grégos, d'accord? Merci à toi. On ne se connaît pas, hein, tu confirmes. Hein, pas du tout. Vraiment, ça marche. Hein, je confirme à tout le monde. Il y a pas d'arnaque, etc. C'est vraiment le logiciel. Je confirme. Tu écoutes depuis quand l'émission? Depuis juillet 2011, hein, depuis le début. Hein. Putain, c'est d'accord. Ça fait 5 ans. D'accord. Okay. Ah ouais. C'est 5 ans là. Putain, ouais. C'est super gentil. T'as vu, je t'ai dit que ça faisait des années quand t'es arrivé. Hein. T'as vu, je me branle, j'ai le standard. J'adore. Et lundi, on fera de l'astrologie juste exactement. Pour dire notre astrologue qu'on adore là, qui est génial, qui s'appelle Jean-Yves Espier, qui est super sympa. Ah ouais. Il sera pas là dimanche parce qu'on n'est pas là dimanche nous-mêmes, donc il va pas venir faire l'émission tout seul. Par contre, lundi, on sera là de 21h à minuit sur Énergie. Lundi, 21h minuit, il fera une petite heure d'astrologie avec nous lundi. Évidemment. Il est bien, Jean-Yves. Mais d'abord, on va savoir qui sera avec moi lundi en s'entendant. On s'en tournait la roue dans 2 minutes. La sélection, quoi. Énorme. Mais d'abord, Grégos, tu veux faire une petite dédicace? Ouais, bah écoute, je vais faire comme d'habitude. Hein. Bonjour à tous les chauffeurs laitiers de Laïta Anceny. Ouais. Et puis à tous les pompiers de France. Hein, voilà. Parce que t'as été pompier aussi à côté, ouais. Ouais. Non, mais c'est le mec parfait, quoi. Il est sympa, il connaît l'émission depuis longtemps. Ah, bah voilà, c'est ça. Il éteint le feu. Eh ben, c'est sympa, mon gros. Je te vais trop passer Flo des cadeaux pour te faire le coup des filles, moi. Ça marche. Ça fait très italien, Colifi. Ouais. Allez, on te le fait direct. À bientôt, mon Grégouze. Et tu bosses jusque quand, là, ce soir? Là, bah, je bosse tout le week-end de nuit jusqu'à 4h du matin, 4-5h. D'accord, très bien. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a chez Stagiaire? Non, j'ai une voix qui a parlé. T'as pas entendu, c'est pas possible? J'ai entendu une voix chelou. Attends, c'est toi, Antoine, qui apparaît chez toi? Non, j'ai entendu. C'est toi, j'ai dit un truc. Ouais. T'as dit quoi? J'ai essayé une blague, mais ça n'a pas marché. J'ai rigolé, mais j'ai eu peur. Ouais. Tu disais quoi? C'était un jeu de mots pourri avec Colissimo. Donc, c'était un jeu Colissimo, quoi. C'était. Oh là pour là ça, j'hésitais à la faire. Mais dis ta blague. Mais toi, c'est vraiment. Alors, le mec, il se croit. J'ai voulu la faire, mais il y a personne qui l'a entendu. Ah, j'arrive à ta place, il va te bouger. Mais non, j'ai dégoûté là. C'est la fin de l'année, rien ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus, les gars. J'ai vu le standard est devenu complètement taré ce soir. Donc, la voix, c'est lui. Le mec, oui, c'est le mec. Non, mais moi, vous savez quoi, mon erreur, moi, c'est d'avoir mis des micros pour tous les gens qui sont dans mon studio. Ah ouais. Non, parce que vraiment, il y en a qui l'utilisent plutôt bien dans mon équipe, dont je ne citerai pas les noms. Il y en a qui l'utilisent plutôt un petit peu trop, voilà. Ouais. Et quand je vois pas de quoi tu parles. Non, mais alors, il y a les mecs du fond de la classe, et en fait, moi, j'ai pris que les mecs du fond de la classe. Bon, en tout cas, mon Greg, c'est gentil, hein, en tout cas, d'être là depuis 5 ans, c'est vraiment très sympa. Hein, ça me fait très plaisir. Normal. téléphone. T'aimes toujours l'émission, ça va? Ouais, tu te... Ah ouais, ouais, c'est génial, hein. Surtout sur Gérien, hein, franchement. C'est vrai? Ah, merci beaucoup. Ah ouais, ouais. Ouais. S'il y avait une personne à changer dans l'équipe. Oh là là. Alors, attends. Ah, ça c'est marrant ça. Et on n'est pas des mises. La roulette russe. Oh, c'est ouais. Vous qui. Attends, attention. La roulette russe. S'il y avait une personne à changer pour de vrai, mon Greg. Pour de vrai, pour de vrai. Entre JM du Standard, Julien le Stagiaire, Amina ouais. Du Standard et Flo ouais. Des Cadeaux. Ah non. Moi je t'aime bien. Moi bon, Julien Stagiaire quand même. Ah quelle est ta motivation sur cette réponse? Pourquoi? Ah ouais, alors pourquoi? Est-ce que ouais. T'as une explication? Des arguments. Oh, les petites blagues, du coup, c'est pas le niveau de GM du standard, quoi. Oh je vais le casser, je m'en fous. Mon Greg, on te l'envoie, je te repasse Flo des Cadeaux. Merci. Cette fois-ci, ouais. Pour de vrai. Je t'embrasse très fort, à bientôt mon Greg. Ouais, je t'embrasse pas, tu comprends. Mais c'est la première fois que tu passes à la radio alors toi? Ouais. Putain, c'est dingue, alors que tu connais depuis 5 ans. Oh là là. Ouais. Eh ben c'est super sympa gros. Comment ça se fait que t'avais jamais appelé d'ailleurs? Ah, t'es avec comment eux. Comment ça se fait que t'avais jamais appelé? Bah en fait parce que j'avais joué pas mal de fois pourtant mais Non mais t'avais jamais appelé pour réagir à l'émission en général? Bah ouais ouais non je sais pas parce que bah, bon. Sur volant Ouais très bien, bon c'est pas grave hein. En tout cas ça me fait super plaisir. Et juste il y en a un qui dit, il y a un commentateur de RMC qui a crié c'est qui le papa quand les Gallois ont marqué la deuxième et troisième but. Salut Gaylord du 27. Ah salut. Alors attends je suis allé récupérer en 2 secondes parce que j'ai un logiciel qui peut me prendre le truc. RMC à cette heure là où il y a eu le but. Oh la lutte Ramsey avec Alder Verrel ou le bon ballon pour Robson Cano, la petite talonnade pour lui-même. Oh le but. Oh qui est bon. Qui fait une petite talonnade sur lui-même. Il est en rhume Guenayer, il est en rhume Alder Verrel. Et il a juste Thibaut Courtois 2-1 pour le Pays de Galles après 50 minutes. Je l'ai pas entendu. Ouais, il a jamais... ouais, c'est lui qui l'a dit, une autre voix, non? Ouais, c'est un mec dans le studio. Oh, la lutte Ramsey avec Alder Verrel. Oh, le bon ballon pour Robson Cano, la petite talonnade pour lui-même. Oh le but. Oh qui est bon. Oh qui est bon le but de Robson. Ah c'est énorme. C'est un mec dans le studio. On a des infiltrés. Je sais, on connaît nos trois, les anciens stagiaires qui sont partis travailler là-bas. Enzo, non, comment il s'appelle là? Non, il y en a d'autres. Ah, ouais, le réalisateur. Ouais, alors, putain, il y a 2-3 mecs qu'on a pris là, qu'on avait 18 boules là, qui étaient stagiaires. Ah, je sais pas. Louis Klein, je crois. Ah, ouais, il était aussi. Ouais. Ouais. On a 2-3 mecs dans le studio là-bas. Ouais. Merci les gars. C'est qui papa? On est partout les mecs, voilà. On est comme les mecs qui font le signe de Joule à la télé. On est les mecs qui crient. Quand vous pouvez passer à la télé ou à la radio quelque part, vous criez c'est qui le papa les mecs. Et comme ça on c'est qui papa? Merci en tout cas mon Greg, à bientôt, hein, je t'embrasse. Salut, salut Boto. Et Antoine, tu veux faire une dédicace à Blagnac avant qu'on parle de cucu, de fionfion? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Je fais une dédicace à mon cousin. Et à tous mes potes Skype qui m'écoutent ce soir. Y a pas de problème man, c'est tellement bien capté. En plus c'est ouais, fluide. On a un peu mal capté là. Mais ça va, on a compris quand même l'essentiel. Je t'en passe Amina du standard, ouais. D'accord, les potes. Tu peux faire une pub pour ma chaîne YouTube? Vas-y, bien sûr, vas-y, vas-y. Magie facile, magie s'écrit normalement mais facile, j'ai enlevé le E. Ouais. Et après dans le... Bon c'est en plus c'est alors là on capte de... on dirait un robot. Alors là, on a carrément perdu. On va le retrouver, on va te retrouver Antoine, on va lâcher le truc. Magie facile sans le E. Hein. Ouais. Alice, bonsoir Alice, 23 ans. Bonsoir. Allô. Ça va, vous allez bien? Thank you, papa. Ça va? Salut Alice. Alice qui est là, t'as 23 ans Alice. Oui. C'est ça, enchantée, t'as une toute petite voix Alice toi. Ah c'est mignon. Oui je sais. T'es née en quelle année Alice? Comment? T'es née en quelle année? 93. 23 d'accord, ans. D'accord, ouais, 23 ans c'est ça ouais. On saura pas ta ville, hein, c'est pas ton vrai prénom. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Ben, c'était par rapport à ce qu'on regrette d'avoir fait par amour. Ouais, ah, qu'est-ce que t'as regretté d'avoir fait par amour, toi? Ben, moi, j'ai attendu mon copain pendant 1 an et demi quand il était au placard. Quand il était au placard? C'est en prison. Il était en prison, quoi, ouais. En 11. Ouais, oui. D'accord, il était en 11, ouais. Et depuis, j'ai vécu avec lui chez sa mère et tout. Je me suis retrouvée mise dehors. Ah, merde. Et j'ai arrêté mes études et tout pour lui, donc aujourd'hui j'ai pas de travail et tout ça, donc je galère un peu quoi. T'as fait un enchaînement de bons choix quoi. Ah ouais. Tout ça par amour hein. Voilà. Ouais. Tout ça par amour, un enchaînement de bonnes décisions pour lui quoi. Ouais. Et le mec il t'a mis dehors, sa mère aussi, c'est des gens bien dis donc. C'est charmant. Il était en prison pour quoi ce garçon là? Pour le permis. Pour le permis? Il avait fait quoi pour le permis? Il a roulé trafic sans permis. Trafic de permis? Trafic peut-être. Hein? Non, roulé sans. Ah ouais. Il y a plusieurs fois. Attends, hein. Il a roulé sans, il tu fais pas 18 mois de prison en France si tu il a écrasé quelqu'un peut-être qu'il a. Ah, Ouais. Mais plus, il s'est fait arrêter combien de fois sans permis? Deux, trois fois. Ça sent un peu la couille, ma chérie. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu le sais normalement. Non, c'est pas une connerie. Ouais, il a fait 19 mois. Tu te fais 19 mois de prison si jamais c'est ouf. Ouais, ça. Mais si t'as déjà une casier et tout, ouais, je pense. Attends, t'as dû faire d'autres conneries. Ah oui, mais il y a des antécédents. Hein. Ah, c'est qui, on sait pas. Pourquoi il avait fait quoi d'autre? Qu'on est en état d'ivresse. Ah, ouais. Ah, ouais. Et sans permis, le tout. Et sans permis, ouais. Putain, alors là, putain, les mecs, ils ont le numéro complémentaire. Intelligent. Et il fuite en plus, c'est bien. Ah, ouais. Et en plus, et pourquoi il a fuité, le mec? Il a fait une dite fuite? Non, mais c'est qu'il s'est fait choper plusieurs fois. Ouais, donc au bout d'un moment, ils l'ont mis en. Ouais, donc t'as arrêté tes. Faut jamais arrêter ses études, les gars, pour quelque chose. Non, Julien qui est là, à Rivesaltes, à côté de Perpignan. Bonsoir, mon Julien, là. Il a 24 balles. 24 balles. Salut. Enchanté, mon gars. Mec. Ça va ou quoi, tranquille, Julien? C'est qui, papa? Ça va? Bah oui, c'est toi qui tiens la page Facebook jusqu'à 15 ans. Je pensais que le prénom de ma mère, c'était maman. Non, mon jus. Enchanté, mon jus. Salut. Rivesalt, putain, RPZ, hein, les gars, la Rivesalt. 105.9, la fréquence, c'est la fréquence de Perpignan, hein, Rivesalt, en 66. Hein. Avec le circuit de karting le plus grand d'Europe, c'est marqué pareil, mon gros. Petite pub. Ouais, c'est le grand circuit du Roussillon. Exactement. Mais c'est marrant parce qu'il y a marqué le plus grand, le plus long dans toutes les villes. Ouais, évidemment. Il y a trop de trucs avec marqué le plus grand. Comme les meilleures boîtes de nuit. Exactement, la plus grande boîte d'Europe de nuit. C'est tous les mafieux, les patrons de boîte, ils se battent le truc en disant non, moi j'ai un mètre de plus. J'avoue. Après, dans le coin, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ils voudraient faire un agrandissement dans les vignes derrière, un pôle mécanique un peu comme Alès. Un peu comme quoi? Mais après, c'est des rumeurs. Comme le pôle mécanique de Alès. Ah, de Alès. D'accord, ok, ouais. Ah ouais, agrandir carrément le truc dans les vignes et tout, ouais. Les largeurs, quoi. Pour faire un énorme circuit, ça va être sympa. Par contre, il fait très très chaud à Rivesaltes l'été. Hein. Il est en plein air? Ah oui, bah oui, un circuit. Non, mais c'est un vrai circuit, un très très grand circuit, c'est pas une petite piste indoor, okay. C'est pas la fête foraine. C'est un. Ouais. Non, attention, tu parles d'un gros truc, hein. Bon. Et donc, mon Julien, qu'est-ce qui t'est arrivé là? On parlait des trucs par amour qu'on regrettait, ensuite on parle de cucu. Bah, moi, en gros, j'ai rencontré une fille en boîte, c'était l'ami d'un pote à moi. Enfin, l'ami, oui, une bonne amie. Et je lui ai couru après pendant 2 mois. Je me suis mis avec et pendant 1 an et demi, on est sortis ensemble. Ouais. Et en fait, il y a eu un petit drame familial. Et donc, pour nos 1 an, j'ai décidé de marquer le coup. Donc, je suis arrivé chez elle, costard cravate, bouquet de fleurs, caliceo, centre de remise en forme, restaurant, cinéma et hôtel 3 étoiles, tout le tarabiscoin avec petit déj amené dans la chambre, etc. Et au final, elle m'a largué 4 mois après pour la veille de la Saint-Valentin. Bel esprit. Non, mais c'est sûr, après c'est en fait, c'est pas parce que tu vas lui offrir une balnéo qu'elle est engagée à vie, mais en même temps, je comprends que quand tu Moi, te démènes. Moi, je reste pour la balnéo. Non, mais quand tu te démènes. Non, mais. Quel michto, ce mec. Franchement, un petit massage tranquillou. Je sais déjà, c'est une tape. Hein. Non, mais c'est pas une tape, tout le monde fait pareil. Mais non, mais franchement, je comprends, Julien, mais en même temps, la fille ne va pas rester avec un mec toute sa vie parce que tu lui as offert un petit déjeuner dans la chambre. Ouais. Mais alors, il y avait autre chose qui n'allait pas. Mais c'est vrai que c'est énervant de voir quand un mec se démène et qu'il se donne d'être un petit peu quitté, abandonné. Ouais, après, voilà. JM, t'as déjà organisé une surprise, une jolie surprise, un petit peu romantique pour une nana. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Pareil. Alors, j'ai acheté une capote. Non, j'avais dit, j'étais parti à l'hôtel avec elle, mais bel hôtel et tout. On avait fait le sauna, les soins et tout, quoi. Ouais, les soins. Ouais. T'avais offert ou t'avais fait payer sa part? Non, j'avais offert. T'avais offert. Ah, bah oui, quand même. Ouais, j'ai déjà fait un truc un petit peu romantique. Ouais, j'avais fait un Noël. Ah. J'avais mis un sapin de Noël, les cadeaux, et j'avais mis Maria Carré, le chanson de Noël, quand elle arrive. Impossible. Si, ah, ça va. Non, j'ai pas fini. Il y a l'album de Noël qui est très mignon. Exactement. Et ça, elle a kiffé la meuf. J'ai fait des coquilles Saint-Jacques au four. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te jure, sur la vie, mais chez Picard, il y a des coquilles Saint-Jacques. Oui, il a raison. Bah alors. Il a raison. Avec du champagne. Il a raison, bah c'est très bien. Elle était contente. Attends, ça ferait toujours plaisir à une fille. Je suis totalement d'accord avec Jean-Cégir. Ah, tu vois. Le principal, c'est de faire un effort. Et que le mec. Ah, j'avais acheté aussi un set de table de Noël, attention. Tu t'es de l'argent ou pas, ça vient de verte. C'est des petites attentions qui font plaisir et qui disent tiens, le mec s'est un petit peu cassé la tête. Des bougies, tout ça. Alors, JM nous en a, vas-y. Mais. Ah, j'ai mis ça. Bah oui, là. Je vous l'apporte, il est en avec Justin Bieber, non? Non, c'est celle. Elle toute seule, là. J'avais mis l'enceinte, je me rappelle. Elle date, celle-là. Attends, avance, mets le refrain. C'est super mal en fait. Ah, tu danses, Amina. Non, mais j'adore cette chanson, mais pour une soirée romantique, non. Ah, c'est rigolo. Ouais. C'est drôle, c'est pas drôle. Romantique. Et ton mec t'attend avec une rose. En Père Noël. Ah, oui, mais il faut savoir rigoler de soi, Amina Sandra. Non, mais d'accord, mais pour une grosse soirée romantique. Qu'est-ce qui doit être ennuyeuse? Non, pas du tout. Non, un mec, il peut te faire aussi une soirée romantique et être un peu rigolo quand t'arrives. Bah, moi, ça casse un petit truc. Ouais, non. Moi, le jour où je ferai une demande en mariage, ce sera sur une musique comme ça. Ah ouais? Il y aura ah une petite surprise. J'aurai mes 50 potes avec sa famille qui arrivera derrière. Je mettrai des caméras partout, je filmerai le truc. À l'américaine. Ouais, mais bon. Il y aura des mecs qui vont jeter des paillettes et ah tout. Ouais. Je vais être à la joue. Attends, mais c'est sûr, moi je ferai un coup de malade pour le truc. Bah, il faut. Flo, des cadeaux. Il y a un mec qui a fait ça il y a pas longtemps à Paris et qui a mis la vidéo. En fait, il s'est déguisé en papy. Et il s'est mis près d'un bar où il y avait sa meuf avec tous ses complices. Ouais. Et il s'est levé, il a fait semblant de danser. Donc tout le monde a commencé à applaudir parce qu'il croyait que c'était un grand-père. Et d'un coup, il y a tous les amis de la meuf qui se sont levés, qui se sont mis à danser avec lui. Et à la fin, il a arraché son masque et il lui a fait la demande en mariage. Ah, c'est énorme. Ah, c'est original. Ah, c'est cool, ça, c'est énorme. Ouais. Elle est cool, le mec. Parce qu'elle s'attendait pas du tout à ce que ce soit lui, quoi. Bah ouais, en papier. Comment elle s'appelle la musique de Justin Bieber avec Noël? Attends, c'est pas Beyoncé, c'est Maria Carey. Pourquoi t'as marqué Beyoncé là? Ah, je me suis trompé. Beyoncé Bieber, c'est pareil. Non, en fait, c'est. Non, je suis un enculé. Non, c'est moi qui viens de taper sur l'ordinateur de JM du standard. Attends. Tiens, est-ce que tu peux avancer s'il te plaît? J'aime ça, je viens de te mettre la musique. Voilà, c'est cette version là avec Justin Bieber. Attends, déjà, ils ont fait 100 millions de vues en quelques mois. Ouais, ouais. Elle est un peu plus péchue. Elle lui peut chanter à sa meuf, lui. Ah ouais. Et magnifiquement, la carrière. Je travaille le vendredi maintenant, moi, putain de merde, je savais pas. Salut mon Cédric du 53, là. Salut Cédric. Salut. Salut les gars, bonsoir à tout le monde. C'est pas sympa d'avoir obligé le stagiaire à arrêter l'école primaire juste parce qu'il t'aime. Tu vois comment il est intellectuellement maintenant, ça. J'ai le bac. Hein. Bonsoir à toi. J'ai pas compris, comme la radio numéro 1 en France, c'est si toutes les radios pas même. J'ai pas compris, mon ouais, ami. Ça, c'est toutes les personnes qui disent première radio. Ah, ça. On en parlait tout à l'heure. Plus grosse boîte, tout ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est avec vrai. Plaisir, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais enfin. Cela dit, il y en a qu'une. Hein. Les chiffres, c'est les chiffres. Ah ouais. Ouais. Bon, merci à vous en tout cas. Enfin, les chiffres, ça peut être truqué, mais. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme elle disait, oh, laissons les coups. Allez, on se fera. Non, mais là, merci à vous d'ailleurs d'être sur Énergie en masse le soir. Et de toute façon, ça se voit, hein, le soir à partir de 22h. Je veux dire, il faut regarder les courbes s'envoler. Vous êtes hyper nombreux à arriver, les mecs, et ça nous fait, c'est ça qui nous fait, qui nous donne la force de chercher des conneries, des vannes la journée, d'essayer de se creuser la tête, de nous donner autant et donner autant d'énergie parce qu'on sait que vous êtes en masse et que vous êtes là à rigoler avec nous chaque soir. Et c'est vraiment ça qui nous fait tenir. Merci. Au-delà de tout le reste et tout, c'est vraiment le plus gros kiff qu'on a de faire de la radio, c'est de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est ça qui nous touche vraiment. Et c'est pas, et voilà, et effectivement, il y a des radios qui disent après c'est les batailles de grosses bites des bâtons de radio. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est, ils font les concours de bites, voilà. La mesure, mais en vrai le soir il y a pas photo, je veux dire, on est trois fois au-dessus de la deuxième, etc. Vraiment, merci tout le monde, voilà. Amina du standard jouant en CFA. C'est marrant, merci. Comment on arrive à imaginer Julien Stagiaire, Johnny, on n'arrive pas à imaginer Johnny la calvitie avec une meuf Julien Stagiaire. Pourquoi Johnny 50 de brolette, ça pique. Salut, Yo-Yo, là. Salut, salut les potos. Guillaume, est-ce que tu sais quand est-ce que Walking Dead reprend pour la saison? Oui, non, la saison 7, je sais pas, je sais qu'elle sort en français, en version française, la 6, le 25 août, voilà. Ouais. Je peux te dire que, mon gars, je me suis renseigné, mon gros, et j'ai cherché sur Google pendant 2 heures. Ouais, sinon, je te retrouve canon, bonne soirée, les amis. Salut, Philippine, gros bisous, Philippine. Bisous, bisous. Bonsoir à toi, vous êtes pas là dimanche? Non, on n'est pas là, on est du lundi au vendredi, regarde bien. Il aura fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et je vous ai mis d'ailleurs la vidéo de Walking Dead, l'attraction qui est sortie sur le parc d'attractions aux États-Unis. Universal Studio. Et voilà, je vous ai mis là-bas, c'est énorme. Voilà, vous êtes 800 000 à avoir vu la vidéo de Walking Dead. Je vous l'ai mis sur la page Facebook Guillaume Play PLEY. Je faisais référence au karting numéro 1 de France par rapport aux radios numéro 1. C'est toutes les mêmes mordes de rien. Sur la route des vacances, direction Fréjus, en amoureux. Merci de nous faire bien rigoler. Big up. Salut Mathilde. Salut. Big up. Andrew qui est là. Bonsoir Andrew. Andrew qui est là de. Vous allez bien ? Tranquille papa ! Ça va mon pote ou quoi ? 17 ans tranquille du 16 Charente. Ouais, c'est ça, vers Angoulême. Ouais. Salut. Ouais. Bon, je suis à Est-ce qu'il y a Angoulême ? Tu vas sur Gouloum. Bon, Andrew qui est là. T'as une petite chérie Andrew toi ou t'es célibataire là ? Maintenant, ouais, je suis célibataire. D'accord, bon bah très bien. Voilà, comme ça, au moins il y a personne qui te casse les couilles. Hein, ouais, fait chier, j'avoue. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est vrai, c'est vraiment. T'engueules. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est. T'as la place dans le lit en plus. On se rend pas compte qu'on est bien quand même quand on est célibataire. Et quand on est célibataire, on a envie d'être en couple. Ah, mais quand on se met tout seul dans le lit, on se dit quand même qu'on est pas si mal que ça. Péter, ouais. C'est vrai. Et c'est clair. Non, mais attends. J'ai un stagiaire. J'ai même pas envie d'entendre sachant qu'on est tout seul. Ah ouais. Quand je suis seul. Il y a de la merde sur les murs. Non, quand même pas. Mais bon. Les mecs, c'est chez lui, c'est vraiment une cellule de prison brésilienne. C'est pour ça qu'il y a autant que chez lui, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Andrew, vous êtes tous mis d'accord pour vous mettre tous dans le vent ce soir. En fait, il n'y en a pas un que j'ai bien entendu ce soir. Ouais, j'avoue. Andrew, tu veux bien te mettre à l'abri, dans un abri-bus, un truc comme ça ? Vous êtes tous à côté. Dans une voiture ? Ouais. Oh bah attends, je vais me foutre dans le tracteur alors, parce que je viens de descendre pour vous entendre mieux. Ah. Je vais remonter. Alors c'est quoi ? Attends, c'est quoi ? Et prends le temps pour remonter. 23h22, j'ai 20 secondes de pub et ensuite on va retrouver Luc qui est devenu SDF en 4 jours. Il va nous raconter ça depuis 4 jours là. Et on va parler de fion, de cul après sur Énergie. Soyez les bienvenus, il est 23h22. Nous sommes sur Énergie jusqu'à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Vous allez bien ? Vos votes vont désigner. Top DJ mondiaux, qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix, and you're listening to Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Faites la teuf sur Énergie tous les week-ends avec les top DJ mondiaux. Énergie Extra Padder. Dance. Best DJ. Tiesto. Martin Garrix. Armin van Buuren. Hardwell. Dimitri Vegas et Like Mike. Steve Aoki. Afrojack. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Styles jusqu'à minuit. Ce soir à minuit, c'est Tiesto, à 2h, Armin van Buuren, et à 4h, Steve Aoki qui mixe Énergie Extravadance. Extravadance. Ici. C'est Énergie. La radio des top DJ mondiaux. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. La perceuse à percussion avec poignée de force et jauge de profondeur à 27,90€ chez Leclerc. Du 29 juin au 9 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est la perceuse à percussion garantie 2 ans à 27,90€ au lieu de 34,90€. Soit 7€ de réduction. Une perceuse comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. I

aura fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Mec, franchement, envoyer des messages, ça marche trop bien. Je suis choqué. Salut, gars. Sur la route des vacances, direction l'Italie. Salut, 701. Il est 23h31. Nous sommes en direct. La Belgique vient d'être éliminée. Ça nous a bien fait chier. Ah, ils ont perdu 3 contre le Pays de Galles. Voilà, il faut le dire. Mais bon, 3-1. En quart de finale de l'Euro. Donc, on verra bien dimanche maintenant pour la France. Il y a un match demain encore. Welcome Dead sort début octobre. Merci, Thomas, du 27. Il y a un match, Julien Stagiaire. Allemagne-Italie demain. Gros bon match. Gros match à Bordeaux. Très, très important. Si on gagne en quart de finale, Julien Stagiaire, est-ce qu'on sait contre qui on jouera? Oui, le vainqueur de Allemagne-Italie. Donc, demain. Voilà. Donc, ça peut être les. De toute façon, c'est la merde. Les deux, c'est la merde. Ah, excuse-moi, il y a un côté où c'est facile. Pays de Galles, Portugal, c'est moins relevé que l'autre côté. Ah, non, c'est sûr. Tu préférais qu'on tombe sur qui, Julien Stagiaire, Allemagne ou Italie? Allemagne. Allemagne, c'est que France-Allemagne, c'est sympa comme match. Ouais. Bonsoir à toi, ma ville est dans le noir total, ça fait flipper. Aucun lampadaire ne fonctionne. Bonsoir à toi, gros. Salut. Salut. Merci pour ton SMS. Il y a Luc qui est avec nous avant qu'on parle de sexe. Bonsoir, mon gars. Tu m'entends, mon Luc, là? Ouais, salut Guillaume, salut, salut à toi. Toute l'équipe. Enchanté mon Luc. Salut, Luc. 34 ans de Besançon hein, dans le Doubs. Ouais, le 25. Ouais. Enchanté, merci d'appeler, man. Merci beaucoup. Hein. Ouais, bah écoute, j'ai dit, je préfère vous appeler vous. Hein. Je sais qu'il y a une forte audience sur votre antenne. Donc voilà, je me suis retrouvé il y a quatre jours de ça, donc sans domicile, perte de boulot également. Donc voilà, c'est la dèche totale quoi. Attends, tu sais quoi comme boulot toi, Luc? Avant, j'étais agent de fabrication pour une grosse société de véhicules en fait. Et comment t'as perdu ton boulot? Enfin, CDD, en fait. Ah, c'est un CDD. Ah ouais, c'était fini. Ah, d'accord. Tu pensais être renouvelé? T'as pas cherché autre chose? Ou t'as rien trouvé? Non, j'avais rien trouvé. En fait, suite à ça, je suis parti parce que j'étais sur le pays de Montbéliard, en fait. Et en fait, je suis parti sur Besançon chez un ami qui m'a dit, ben viens, machin. Et puis, il y a 4 jours, il m'a dit, ben tu prends tes affaires et tu te casses. Ouais. Ah ouais, donc ouais. Même ton pote qui devait t'héberger, t'as pas hébergé. Et t'as perdu ton boulot il y a 4 jours, et en 4 jours, t'as perdu ton appart aussi? Non, mon boulot, je l'ai perdu il y a un mois, on va dire. Ah ouais. Ah merde, ouais. Ouais. Et en fait, tu pouvais plus payer le loyer, quoi. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et t'as pas de famille? Non, mon père est décédé, ma mère, je n'y parle plus. Ah merde. T'as pas de frères et sœurs, de cousins? Si, j'ai un frère. Ouais, il peut pas t'aider? J'ai un frère qui lui est au courant, mais bon, il peut pas trop m'aider. Tu vois, il a 2 gamins, il a une femme. Donc, il peut héberger son frérot pendant quelques jours. Bah, attends, bien sûr, sur le canapé. Mois, tu veux aller dormir sur le canapé? Bah, c'est ce que je lui ai demandé, mais bon, il m'a dit, il a dit non, je peux pas. Ouais. Sérieux? Oh là, chelou, frérot. Ouais. Pas très sympa, ton frère. Ouais. Pas très sympa, non. Et t'as pas des copains, des potes? Ben non, tu vois, le seul que j'avais, ben voilà. Ils disparaissent après quand t'as des emmerdes. Ouais. Mais t'as déménagé, t'as pas des potes d'enfance? On a tous quand même des contacts. Non, franchement, non, pas du tout, aucun. C'est vrai? Ouais, aucun. Mais t'as bien grandi quelque part, avec à l'école, en sport, t'as pas fait du sport, des collègues de sport? Il y a des collègues que j'avais au pompier, quand j'étais pompier, j'ai fait 10 ans de pompier en volontariat. Ouais. Mais bon, après, je me vois mal aller chez eux, frapper, et puis leur dire... Bah, tu sais, si t'as pas le choix... Ouais, bah ouais. Ouais. Et là, tu dors où? Là, pour l'instant, bah, tu vois, je suis dans un abri de nuit. Donc, avec 4 personnes. Donc, la journée, en fait, c'est galère. Je fais les boîtes d'intérim, j'arrête pas, je les harcèle. Voilà, je dépose mes CV partout. Donc, voilà. Et pourquoi tu t'es embrouillé avec le pote qui t'a hébergé pendant quelques jours? Si tu veux, en fait, c'est avec sa femme. C'est sa femme qui m'a foutu dehors. Pourquoi? Je n'ai eu aucune explication par rapport à ça. J'ai demandé qu'on s'explique. Elle n'a jamais voulu qu'on s'explique. C'est vrai? Ah ouais. Et t'es resté combien de temps chez eux? Je suis resté un mois. Ouais. Ah ouais. Un mois. Tu pars. Attends, c'est vrai que t'as perdu ton boulot et tu t'es retrouvé direct à la rue. Alors du coup, c'était que c'est un mois que t'as perdu ton taf. Ouais, bah du coup, c'est ça. C'est vrai? C'est ça. Ouais. Mais je comprends pas, quand tu perds ton boulot, t'as tout de suite rendu là, t'avais pas du tout de sous de côté? J'étais. Ben non, puisque tu vois, j'ai la location de l'appartement, aucune aide niveau APL de la classe. Les APL, si, t'en as. T'es de quel centre? T'es dans quel centre là? Non, Dans quel centre à Besançon? Oui. Au Glacier. Au Glacier, il s'appelle le Glacier, le centre? Ouais, Centre des Glaciers, ouais. C'est froid comme nom. Ouais, non mais c'est pas une blague, je trouve que ça fait un peu ouais. Vois, c'est pas chaleureux quoi. Ouais, c'est un peu islandais quoi. C'est pas une blague, ça fait un peu ouais. Et qu'est-ce qu'il y a alors Luc, en fait tu voulais passer un message. Alors moi j'aime bien quand il y a des appels comme ça parce que enfin j'aime pas parce que ça me fait chier de savoir qui y en a, mais ça me fait plaisir parce que on a souvent ça se termine bien avec l'émission et ça permet de d'aider quelqu'un et du coup le soir je suis content quand je rentre et je me dis que ça a servi à quelque chose l'émission. Et donc mon Luc, toi tu veux faire profiter de l'antenne pour dire quoi, pour chercher un boulot déjà? Ouais, voilà, pour chercher un boulot. Bon, j'ai 2 ans de restauration à mon actif. Ouais. Donc, voilà, si j'arrive à trouver quelque chose sur Besançon, en tant que commis de cuisine, ou même en plonge, ou même n'importe quoi, quoi. Ouais, hein. vas-y, mon gars, bah, y a pas de problème. Donc, on va dire n'importe quelle boîte, en fait, qui cherche un mec qui est motivé, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis plus que motivé, là, franchement. Tu vois, c'est comme je disais à Amina quand je l'ai eu au téléphone, je me permets de continuer, de développer. Ouais. J'ai dit, je suis pas dans un sens où je vais tomber dans l'alcool, ou tu vois, je suis toujours propre sur moi. Ouais, tu vas de l'avant, quoi. Voilà, je vais de l'avant, je me laisse pas abattre, quoi. Ouais, ok. Et la phrase que j'ai sortie à Amina, elle te dira si c'est vrai ou pas, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ouais. Ah. Ah, c'est original, ça, j'avais jamais entendu. C'est qui? Je crois que c'est Mathieu Delormeau. Non, j'en sais rien, on l'embrasse, Mathieu. En tout cas, Luc, si jamais il y en a un qui nous entend, sur la région de Besançon, dans le 25, dans le Doubs. Le Doubs. C'est un mec sur. T'as une voiture ou pas, mon Luc? Tout ce qui est Franche-Comté, là. Non, bon, après, il y a les transports en commun, donc voilà. Ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, t'as envie de bosser, t'es pas casse-couille pour les heures, tu vas pas faire chier le patron? Ah non, samedi, dimanche, ça, je m'en. Pour férié. T'es un mec fiable. Bah ouais, j'imagine. Donc, s'il y a un mec qui cherche un employé, là, un patron sympa, qui a une boulangerie, qui a une boucherie, qui a besoin d'un mec qui est volontaire et qui est. Sérieux, quoi. Et voilà, qui s'est retrouvé dans la merde par un concours de circonstances à la con, mais qui quand même passe ses journées, vous avez vu, à pas aller dans les cafés, à se faire chier. Et il démarche. Il passe, et voilà, il fait que passer dans les boîtes d'intérim et tout, il relance, il a l'air d'être dynamique. Il passe même à la radio pour dire qu'il a besoin. Parfois, dans la vie, on peut déménager, on peut perdre ses amis, on peut perdre ses copains et tout ça, mais enfin, on peut s'aider aussi une fois et ça fera du bien un petit peu dans ce monde actuel. Et solidaire. Voilà. Voilà, les gars, si vous êtes patron et que vous cherchez un mec, vous m'envoyez maintenant un SMS Guillaume et vous marquez. Boulot, voilà, Guillaume, un espace boulot. Il faut bien marquer Guillaume au début du SMS, hein. Boulot avec votre numéro de téléphone au 6 11 12, ou par email. Voilà, si vous avez votre mail sur le truc là, guillaume@energie.com. Ouais. Ne pourrissez pas le mail, les mecs, pour les dédicaces, s'il vous plaît, pour qu'on aille vite, pour qu'on y trouve un boulot. Soyez respectueux, les copains. Voilà, guillaume@energie.com si vous cherchez quelqu'un, même si c'est un mi-temps, Luc, déjà. Ah oui, même si c'est à mi-temps, oui. Voilà, oui. Histoire de gagner déjà quelques sous, voilà. Dans un mois, j'ai plus de taf, j'ai envoyé mon préavis à la rue. Dans un mois, j'ai 27 ans. Putain, salut mon gars. Là. Ah, bon courage. Ouais, n'hésitez pas, les gars. Ouais, tu voulais dire quoi, Luc? Ouais, je disais, même s'il faut aller faire une saison dans le sud, moi je pars dans le sud aussi, quoi. Je m'en fous. Ouais. Ah, t'es mobile. Voilà. Ouais, voilà, il est mobile. Et voilà. Il est mobile, si jamais vous voulez chercher un mec, avec plaisir, les gars. Voilà, il y en a qui nous disent, là. J'ai plein de messages, là, ça fait plaisir. Ah. Et par contre, Guillaume et Boulot, vous me laissez bien votre numéro de téléphone dans le SMS, les mecs. Parce que moi, je vois pas les numéros. À Japy sur Montbéliard, il cherche du monde, Guillaume. Salut, gars. Un Peugeot, mec. Alors, et tu sais quoi, on va prendre les mecs là qui envoient des messages et on va te les prendre à l'antenne, mon Luc, d'accord? Ok, ça marche. Ok, gars, allez, on se fait ça juste avant de se faire ça. On va faire tourner la roue pour savoir qui sera avec moi. Le stress. Attends, pour savoir qui sera avec moi lundi. La roue des gens. Exactement, c'est la roue de la chair humaine. Pour deux. Non, c'est la roue des copains. On va appeler ça. Et on va faire tourner la roue des copains. Voilà, c'est mignon, la roue des copains. Ah, mais c'est pas dedans, t'es pas un copain. Alors, de quoi j'ai essayé? T'es pas dedans, t'es pas un copain. Ah, bah si. T'as un copain. Ne parle pas des fétiches. Ah, j'ai peur. On sort que déjà, il stresse. Ah, j'ai les mains moites. Non, attends. On fait tourner la roue. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Et on se tient la main tous. Alors, je vous explique. La roue, elle peut s'arrêter sur tout seul, sur zéro personne, donc tout seul, sur une personne, deux personnes, jusqu'à six. Parce qu'après, il n'y a plus de micro. Donc, ça sera le nombre de personnes qui seront avec moi dans l'émission pour faire de la radio ensemble. Alors, attention, je vais mettre dans la roue tous les non après. Alors attendez, on y va. JM du standard. Ouais, c'est toi qui vas faire tourner la roue. Oh là là. Fais tourner la roue. 3, 2, 1. Entre 0 et 6. Entre 0 et 6. Et ça va s'arrêter pour lundi sur 4 personnes. On est 4. Ça va. Bah, c'est comme aujourd'hui. Voilà. On est 4. Ouais, c'est alors, dans la liste des personnes, je vais mettre Amina du standard. Ok. Flo des cadeaux. Ouais. Guigui de la régie. Ah, ah merde. C'est à partir de lundi, vraiment, on passe en mode été. Là, on était un petit peu en mode mi-saison. Et lundi, c'est vraiment l'été. Oh c'est le bordel. On va changer l'équipe tous les jours. On va rigoler. Oh. Je vais mettre JM du standard. Ah. Je vais mettre Jordan l'apprenti qui est avec nous. Ouais. Je vais mettre Julien stagiaire. Ah, même deux fois, si tu veux. Je vais même tiens, mettre Julia qui est en stage avec nous, si tu veux. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonsoir, c'est moi. Et on va mettre aussi l'un d'entre vous. Voilà, je vais appeler ça hop, auditeur. Comme ça, je vais taper auditeur. Tout le monde. Un auditeur. Donc ça peut s'arrêter sur un auditeur. Soit stagiaire, Julien en stage, Jordan l'apprenti, JM du standard, Guigui de la régie, Flo des cadeaux ou Amina du standard. Wow. Si jamais ça tombe sur un auditeur, je fais un tirage au sort par SMS et j'en prends un d'un coup. Hein. Et vous viendrez avec moi faire l'émission lundi. Allez, on commence. JM du standard, c'est bien faire tourner. Amina du standard, fais tourner la roue. Une main innocente, ça marche. Vas-y, fais tourner la roue, on y va pour le premier. 3, 2, 1. Voilà, qui sera avec moi du coup lundi. Le premier qui sera avec moi lundi, ou la première, c'est. Flo des cadeaux. Tu es sélectionné par Didier Deschamps, Flo des cadeaux. Merci. Dans les 23, mec. Très bien. C'est titulaire. Merci, fais l'euro. Julien stagiaire. Ouais. Je vais te demander de faire tourner la roue. Vas-y, j'y vais. Allez, 3, 2, 1. Allez. J'espère que c'est moi qui sors là. C'est la mal. Je suis pas utile pour moi-même. Allez, on va voir sur qui ça tombe. Julia qui est en star. Ah non. Julien. Ah, Julia. Putain, le prénom que moi. Non, c'est pas Julien, Julien le stagiaire. Julia. Bon bah Julia, tu seras avec nous. C'est génial, franchement, je suis trop content. Demain, un bisou. Hein. Allez, gros bisous. Allez, on fait tourner. Bah, tiens, Julia, fais tourner la roue. Allez, c'est parti. Dis-moi, on choisit, le troisième. C'est parti. 3, 2, 1. Et on y va. Allez. La roue qui s'arrête. Il y a Flo des cadeaux. Julia qui est en stage. Et ensuite JM du standard. On va voir, c'est parti. Il en reste un là. Alors on y va, attention, non. C'est parti. Il reste un. Il n'en reste plus qu'un, je suis stagiaire. C'est le but en or, putain. Attends, attends. Faire une syncope. C'est le stress. Tu seras peut-être en vacances du coup. Vas-y, j'ai rien à faire en vacances moi. Attention, c'est parti. On y va. JM du standard, tu fais tourner la roue. 3, 2, 1, et on y va à fond. Amina du standard. Les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Je suis pas bien, je me laisse aller. Je vais stagiaire, tu pourras nous écouter à la radio. Non, je serai pas là. Un long week-end. Tu pourras nous écouter en MP3. Ouais, je vais appeler, je vais envoyer un message. Je serai donc lundi avec Amina du standard. Tu stagiaires donc à la place de Julien stagiaire. JM du standard, tu bougeras pas ton cul. Pas de soucis. Flo des cadeaux, tu passeras à la place d'Amina du standard physiquement. Ok. Et Julia qui est en stage. Trop cool. Jusqu'à l'été, qui a du cul, mais alors elle bandait des elle vient en stage à la maison, elle passe. Tu te mettras à la place de Flo des cadeaux. Pas de soucis. Le siège sent un peu mauvais, mais il sera chaud. Non, c'est pas vrai. J'adore l'odeur. On l'embête en plus parce que maintenant il s'habille proprement. Il a une période un peu cracra. Maintenant il se lave. Maintenant, franchement, son t-shirt il le met plus qu'une fois. Il le met plus que 7 jours d'affilée. Voilà. Ouais, ça va. Avant c'était vraiment ça tenait debout. Allez, on va prendre tous les mecs qui ont envoyé boulot. Voilà, Guillaume et boulot avec votre numéro de téléphone au 612 si vous avez des plans. Un plan boulot pour aider notre copain là, Luc qui vient d'envoyer un message et qui s'est retrouvé à la rue depuis 4 jours. Tu bouges pas, mon Luc, on prend la réaction maintenant, d'accord? Pas de soucis. Ok, on est en train de prendre tout le monde au standard et juste après, on parlera de cul et d'exhibitionnisme. On va en parler. Et à minuit, il y aura les DJ qui vont mixer comme chaque vendredi. Ce sera Tiesto qui prend à minuit pile, Armin Van Buren à 2h et Steve Aoki jusqu'à 6h du matin. Voilà, il y a trois énormes DJ mondiaux qui arrivent juste après nous sur Énergie. Ok. C'est en direct, je précise, vendredi soir, il est 23h44, c'est du vrai direct. Il y a eu 3-1 pour le Pays de Galles contre la Belgique tout à l'heure sur Énergie. L'émission s'appelle Guillaume Radio 2.0. Le mec qui veut plus s'arrêter de parler, à tout de suite, rigole. Stay, hate sleeping on my own, missing the way you take. Qu'un con piège, je pense que Guillaume est... un gros con, un enculé, voilà. Mais c'est tellement bien qu'on continue. Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie, on va prendre les offres d'emploi, là. Hey, je peux te dire qu'il y en a des appels, mon Luc. Hein. Ouais, c'est bien, ça. On va prendre du monde au standard et on va te les passer après en antenne, hein, pour que tu échanges avec eux, mon gars. Hey, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Bonsoir, j'ai des conseils pour l'auditeur, Denis du 86. Salut, man. Alléluia, goodbye, je viens stagiaire à chez toi. Mamadou du 95. On dirait l'Angleterre, je suis allé. C'est mon anniversaire le 2 tout à l'heure. J'aurais 52 ans, je vous dédicacer le prochain titre. Eric du 91 à Vigny, là. Salut, Eric. Ceux qui ne m'enculent pas, prenez-moi plus fort, sinon je vais stagiaire. Ah, salut, Guillaume. Juste, il y avait Simon qui était là aussi. Tu m'entends, Simon? Salut. Non, mais on entend tout le monde mal. Il y a un problème. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. Hein. Ça va ou quoi, mon Simon? Ouais, ça va. Tu m'entends bien là ou pas? Ouais, je t'entends bien, mais il y a un petit peu de vent, si tu peux ralentir. Putain, je bouge même pas. Attends, t'es où? T'es dans le camion? Attends, non, je suis au boulot en fait, je suis désolé, putain. C'est pas grave, mon gars, c'est pas grave, t'inquiète, à la cool. Ah ouais, attends, il y a le téléphone qui sonne et tout. Vas-y, attends, réponds. Vas-y, je coupe le micro deux secondes. Juste avant, il y avait Andrew aussi. Bonsoir, Andrew, il y a du monde de partout. Salut, mon Andrew de Cofolan. Ouais, salut. Ça va, mon Andrew? Vous allez bien? Andrew, toi, c'était un truc que t'avais fait par amour et que tu regrettais d'avoir fait, c'est ça? Oui, voilà, oui. Vas-y, raconte. En fait, c'est que j'étais avec une fille pendant 2 ans. Et sauf qu'entre temps, on s'était séparés 3 mois. Et en plus, ça m'avait vachement fait de mal parce qu'en même temps, j'avais des problèmes de santé et ouais. Puis j'avais besoin de soutien et tout. Ouais. Et après, on s'était remis ensemble. Et pendant 2-3 mois, c'était le rêve, quoi. C'était génial. Et il y a 3 ou 4 semaines, là, elle était un peu malheureuse. Je voulais l'amener en vacances à Royan, même si c'était pas facile avec le boulot et tout. Et donc je lui ai amené en vacances, je lui ai payé tout le vacances, je lui ai tout pris en charge. Franchement, j'ai fait un truc, j'avais organisé un truc génial. Et puis le dernier jour des vacances, je sais pas ce qu'elle avait, mais elle me faisait la gueule et parlait à peine. Et ben en fait, le lendemain, ben, elle me quitte, quoi. Ah ouais, bah, elle a tu l'as senti un petit peu arriver quand même, quoi. Ouais, ça c'est relou. En passant, et t'avais invité ta copine à Royan, c'est ça, en vacances? Ah, c'est bien, vers La Rochelle. Ouais, voilà, ouais. Et vous avez fait quoi exactement à Royan? T'étais en camping, t'étais où? Ouais, j'étais à un camping Cibu à côté de la Côte Sauvage. Ouais, c'est énorme, très bien, bah, trop bien, ouais. Et tu as tout payé? Oui, tout. Ouais, t'étais un petit peu triste après. Payer. Ouais. Faut pas. Dédicace à vous tous, sauf Julien Stagiaire, non plus, Julien Stagiaire, c'était une blague. Merci, il n'est pas venir Boubou le Marabout. Julien Stagiaire fait un personnage de Boubou le Marabout. Julien qui est en stage à chez nous, qui sera avec nous, ouais, à la place de Julien Stagiaire, du coup, lundi. Du coup, parce qu'on s'amuse à inverser, on fait tourner une roue tous les jours. C'est de l'échangisme. Julien Stagiaire, tu vas croiser là pour revenir mardi. Bah ouais, tous les jours, on fera tourner la roue. Julien, est-ce que t'as déjà fait pareil, une preuve d'amour, un beau cadeau, un truc que t'as regretté d'avoir fait après? C'est un peu un truc, voilà. Je couchais avec mon copain, justement. Et ouais. Lui, son rêve, c'était de me prendre en photo pendant. Et je lui disais non. Une preuve d'amour? Bah, c'est un peu une preuve. Ah, t'es bien, toi, un truc. Non, mais un cadeau, quoi. Ouais, un cadeau, ouais. Et pendant un an, je lui ai dit non, franchement, je veux pas parce que ça peut se retrouver sur je sais pas où et tout. Ouais. Même si j'avais confiance en lui. Non, il faut pas faire confiance. Voilà, c'est ça. Même, tu peux perdre un appareil, tu vois, tu peux. Voilà, tu peux en photo n'importe où. Ouais. C'est ouais. Ça, exactement. Tu perds ton téléphone, tu te le fais voler ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, j'ai fini par céder, mais des trucs assez soft, donc ça allait. Des photos, toi. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on s'est séparés genre 2 mois après, et je pense qu'il a encore les photos. Il en a rien fait, mais je regrette aujourd'hui parce que je suis plus avec lui. Ah merde! Et oui. Il a les photos? Il a les photos, ça. Est-ce qu'on veut l'appeler? C'est un mec gentil, tu vois, donc il a rien fait. Mais tu vas pas demander de l'effacer? Bah. Je sais pas, j'ai oublié sur le coup, mais. On va les mettre sur Facebook. Ah, moi, je dirais. Mais c'est-à-dire, c'est un mec cool. On voyait tout. Il t'a pris comment en photo? Comment il a, non, il a mais pris a, c'était pas hard ou quoi du tout. Oh. On voyait un peu à poil, quoi. Mais voilà. Ouais. Mais on voyait pas le zizi dans la ZZ. Non. Ça va. Ça sert à rien alors de prendre. C'est quoi, on voit une épaule. C'est marrant. Oui, ça sert à rien. Je sais pas, ça dépend. On comprenait bien, quoi. On voit ta tête que. Ouais. On te reconnaît ou pas? Que t'es pas en train d'ouvrir un Kinder. Mais c'est pas Noël quand on ouvre les cadeaux, quoi. Mais bon. Et résultat. Non, résultat, ça va. Il a rien publié, mais je regrette de l'avoir fait parce que je suis plus avec les clients. Ouais. Tu regrettes de l'avoir fait. C'était le mot en entier. Il manquait les trois lettres dedans, mais c'est pas grave. J'ai un stagiaire partout, même ses cheveux. La non, arrête, salut mon Gary. Ouais, salut. Mais José, putain, moi aussi, je cherche une entreprise pour le CFA. Salut les gars, là. Bon courage, hein, les mecs, à vire, là. Alors, on va prendre toutes vos réactions. Juste, s'il y en a un qui veut venir réagir, on va parler des exhibs après. On se fait jouer des hôtels. Je vous file une PS4 après, là. Vous êtes auditeur d'Énergie. Et vous serez parmi les rares privilégiés à assister à la finale de l'Euro 2016. En plus, juste avant le match, vous rencontrerez David Guetta au calme à son hôtel. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. J'ai entendu le double hit. Et vous gagnez un événement dont vous vous souviendrez toute votre vie. La finale de l'Euro 2016. Pop, R&B, Dance. Ici, c'est Énergie. Des guichettes. Quelque chose s'est réveillé. Dans Lego Star Wars, le réveil de la force, réveillez le Lego, le héros qui est en vous. Rejouez le film avec Rey, Finn et les autres et poursuivez d'autres aventures inédites. Lego Star Wars, le réveil de la force, sur PlayStation, en magasin et téléchargement. Avec Énergie. Vous cherchez quoi en fait ? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Et pourquoi pas trouver l'amour ? Accédez à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Energy, it's music only avec Jennifer en concert. Mon ami. C'est Jennifer sur Énergie. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations, énergie.fr, livenation.fr et point de vente habituel. Jennifer en concert, un événement Énergie. Ninja Turtles 2, les 4 frères les plus cool reviennent au cinéma. Leonardo. On s'équipe, les gars. Donatello. C'est parti. Michelangelo. J'ai un look de tombeur. Et Raphaël. Il ferait quoi, Vin Diesel? Sans peur. Il regrette. Ninja Turtles 2. En ce moment au cinéma, vivez le Turtle Power en 3D. Avec merci. Ici, tout est préparé à la seconde près. Non, je déconne. Ici, c'est votre émission. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Énergie. Alors, je vais juste filer une PS4 en 2 minutes et on va retrouver des propositions de job là pour celui qui s'en trouvait là en 2 jours. En 4 jours. Il y avait juste avec Lego Star Wars, là, le réveil de la force, le jeu qui sort sur PS4 qui est sorti mardi. Je vous offre une PS4 plus ce jeu-là. Bonne chance. Lego Star Wars, le réveil de la force. Ouais. Je vous l'offre maintenant. Je vous pose une question. C'est la question de débile pour gagner. Ah. C'est vraiment la question de. Vraiment de débile profond parce que en fait je pense à ceux qui n'ont pas vu Star Wars. Alors j'ai fait des questions que tout le monde connaît, par exemple Dark Vador, voilà, et ce soir c'est Dark Vador, il dit je suis ton. Ah quoi. Je sais, ah facile. Non, voilà. Ah ouais, c'est même. Fait exprès, je vous explique, moi je l'ai pas vu Star Wars à part le dernier. Non, moi non mais plus. Je veux dire, je suis pas du tout de la culture Star Wars, c'est pas du tout un film qui m'a fait kiffer. Ah, moi non plus. Enfin qui m'a donné envie d'aller, enfin voilà, il y a pas de problème mais je suis jamais allé voir ça quoi. Non, pas du tout, j'ai pas vu Camping. Ça m'intéresse pas. J'ai pas vu Camping et j'ai très envie de le voir. Voilà, typiquement. Donc j'ai pas pu voir tous les films. Voilà, moi j'ai vu des films d'auteur, non, je rigole. En fait, j'ai juste pas vu les Star Wars. Voilà, j'ai aimé le standard. Tu as vu les Star ouais, Wars? Les deux premiers. Les deux premiers, ouais, juste j'ai aucun, mais je suis fan voilà. De Camping. Lui, il a vu ni les aucuns, il a pas vu les Retour vers le futur, les Jurassic Park. Ni, non, désolé. Par contre, il a vu Truman Show avec Jim Carrey. Ouais, j'ai vu et Camping. Il est bien, tiens, j'ai aimé le standard, un film très connu que t'as pas encore vu. Très connu. Merci. Feu les cadeaux. Un film très connu que j'ai pas vu. Très connu que t'as pas vu, Jurassic Park. Non, si ça je l'ai vu. Le Grand Bleu. Non, le Grand Bleu j'ai pas vu. Taxi. Ah bah. Ah, je l'ai vu moi, Grand Bleu. Le Grand Bleu. Amina Dustandard, un film connu que t'as pas vu. Pas Jean Reno dedans. Bah je sais pas. Si. Ouais, le Grand Bleu j'ai pas vu non plus. Ouais. Moi j'ai pas. Merci Amina. Moi j'ai pas vu. Les filles qui sert à rien qui répète juste. Non mais j'en ai pas en tête là. Attends, moi j'ai pas vu comment il s'appelle. Les gendarmes. Non, le film avec Leonardo DiCaprio. Titanic. La plage. Non. Le dernier avec l'ours. Ouais. Julia. Ah. Merci beaucoup. Revenante. Voilà, putain, on avait besoin d'elle. Ah, celui qui a eu l'Oscar. Aviator, c'est d'où sort d'où ce film. Ah, je pensais que tu disais avec Leonardo DiCaprio, c'est pour ça. Bah, d'accord, je dis Guillaume, je l'ai, c'est The Revenant. Mais oui. Ah, il a eu l'Oscar. Mais ça fait trop. Le pauvre. Bon, il faut me donner le mot. Guillaume, un espace et ce mot. Dark Vador prononce une phrase où il dit « Je suis ton... » C'est le jeu de débile, je déteste faire ça. Mais vu que c'est un film que tout le monde n'a pas vu, je préfère poser des questions de gogol, comme ça moi je suis sur des films qui a joué. Il y a des PS4 plus le jeu Lego Star Wars de Réveil de la Force sur PS4. Voilà, je vous offre une putain de PS4. Il est tard, c'est vendredi soir, les mecs, c'est moment de gagner facilement. Voilà, Guillaume, on a l'impression qu'il y a 60 milliards de messages, mais pas du tout. Il doit y en avoir 25, 26, voilà, 27. Allez-y, Guillaume, vous envoyez le mot. Votre numéro au 612. C'est donné. Amina du Standard, si tu veux bien, on va faire un tirage au sort d'un numéro direct. Hein. Juste avant, je vais retrouver Luc qui cherchait un emploi, qui s'est retrouvé à la rue en 4 jours. Tu m'entends, mon Luc, 34 ans à Besançon, là. Oui, je suis là, Guillaume. Il y a eu beaucoup d'appels. On en a pris une à l'antenne et on te filera le reste hors antenne, mon Luc, d'accord? Ok, ça marche. Tu cherches un boulot, tu t'es retrouvé dans la merde, fini ton CDD à l'usine et puis tu t'es retrouvé sans plus rien, t'as dû rendre ton appart, une galère et tout. Et là, t'es à la rue. Dorine, tu m'entends, Dorine de Besançon? Oui. Qui a été gentille d'appeler, bonsoir ma chérie. Merci d'appeler. Salut, Dorine. Salut. C'est super gentil de réagir et tout. Non, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment de la solidarité, ça me fait plaisir, Dorine. Ah, c'est normal. T'appelles du doudou à Besançon. Tu fais quoi, Dorine, dans la vie à 19 ans? Je suis serveuse, moi. Serveuse dans un restaurant, quoi? Dans un restaurant traditionnel. Dans un restaurant tradit, voilà. Français, quoi, brasserie. Dans tout ce qu'il y a. Bonsoir à vous, nous faisons une spéciale culinaire ce soir sur Radio Clacla, Radio Classique, avec une spéciale cette nuit. Notamment, nous allons parler du culinaire et non pas du cunilingus. Oui, car... Je fais des blagues, Victorine. Moi, j'ai pris au dépourvu, je m'attendais pas à ça. Allez, nous allons continuer ce soir cette spéciale culinaire. Nous allons parler d'un plat... que le général de Gaulle adorait, Victorine. Oui, il s'agit de la choucroute de Bayreuth, c'est en Bavière. Et le général de Gaulle a mangé de la choucroute avant son appel de Londres, d'où quelques flatulences qui s'entendent à l'antenne. Alors j'aimerais que nous parlions d'un autre plat de quelqu'un de très, très connu, qui est la reine d'Angleterre. Oui. Après son mariage, elle a mangé un plat magnifique. La raclette savoyarde, car la reine d'Angleterre adorait Courchevel, courge comme elle disait, pour faire skier le petit prince William et Harry, comme elle disait. Merci à vous, bonne Merci, nuit tout le monde. Au revoir. Et surtout, on dira vive la République. Liberté, égalité, fraternité. Bonne nuit à vous sur Radio Clacla, Radio Classique. On dirait qu'ils ont froid, oui. 23h59, 1er juillet déjà. Voilà, Dorine qui a appelé. T'avais une idée de Luc pour l'aider à trouver un boulot qui est à la rue là? Ouais, moi je suis dans une saison d'été, donc on recherche un petit peu de monde pour juillet, août, surtout en plonge ou en cuisine, donc ça tombe bien. Je vais essayer d'en parler à mon patron. Très bien. Est-ce que ça t'intéresse c'est beau, ou pas? C'est un beau geste. Ah oui, ça m'intéresse énormément, oui, ça c'est clair. Eh ben écoute, déjà on va te mettre hors antenne et comme ça t'auras au moins un boulot pour les deux mois et demi qui arrivent, ça va pouvoir te faire un petit peu d'oseille. Hein. Tu vas essayer d'en mettre au maximum de côté. Et comme ça déjà on va voir et puis on va te passer plein d'autres numéros, d'accord? Ça marche pas. Ok mon poteau, voilà, quand il s'agit de faire des trucs importants, on le fait aussi. Tu veux faire une dédicace mon Luc? Non, pas spécialement. Bon, toi, tu vas en faire une, Dorine, qui a l'antenne. Et je vous laisse avec Tiesto, là. Bien. Ouais, vas-y. Une petite dédicace à Chloé et Corentin, normalement, qui doivent écouter. Il n'y a pas de problème. Et ben, une bise à eux. Je t'embrasse très fort, ma Dorine. Salut. Merci, ouais, merci d'être là, ma chérie. Gros bisous à toi. Je t'embrasse. À bientôt. Dorine qui est là, et puis Luc aussi, qui est avec nous. On va juste appeler un gagnant, Mina du Standard, en 10 secondes. On va appuyer sur le bouton. Je vous offre une PS4 plus le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force sur PS4 qui est sorti mardi. Ça va sonner chez l'un d'entre vous. Eh, allô? Allô? Allô? Allô? Ça va ou quoi? Putain, c'est quoi cette sonnerie, mon gars, là? C'est énorme. C'est quoi ton prénom? Non. Greg. Ça va, mon Greg? Putain, il y a que des Greg. Ouais, putain, les deux gagnants des cadeaux, soit ils s'appellent Greg. C'est quand même pas le même. Tu viens d'où, toi, Greg? Vervoiron, à côté de Grenoble. Eh ben, très bien. Ah, 38. En Isère. Ouais, ça, ouais. T'as quel âge, Greg? 17 ans. Eh ben très bien. Eh ben écoute mon Greg, je t'envoie la PS4 demain matin. J'espère qu'elle te fera plaisir. Voilà. Oh, c'est énorme. Eh ben vas-y mon gars. Et t'es en quelle classe? T'es en première du coup 17 là? Ouais, première, j'ai fait une bac, ouais. Ah ouais, donc du coup t'es en vaval, tranquille. T'as les résultats quand? T'as les résultats mardi? Non, jeudi. Jeudi? Ah putain, bon bah écoute, on croise les doigts gros. Bon, tu connais l'émission depuis longtemps, Greg? À peu près 7 mois. Ah ouais, bah très bien. T'as découvert comment? Via YouTube. Putain, c'est sympa, mec. Merci frérot. Je te repasse Amina au standard. Ouais. À prendre ton. Et risque de faire des ratures, alors fais-lui répéter 3-4 fois. Ouais. Ouais. Okay. Fais-lui épeler lettre par lettre. Comme un motus. Ok, vraiment, voilà, comme un motus, exactement. Voilà. Rue, R-U-E. Je te la repasse. Faut que tu parles très lentement pour qu'ils comprennent. Hein, d'accord. Oui, oui. Elle a un phénotone. Ok, mon Greg. Non, mais j'ai ça marche. Ok, on lui a mis les chaussures à scratch. Ok. On peut pas faire tout. Ok, là, c'est pas vrai. Je te fais une bise, mon Greg. À bientôt. Tu veux faire avec Dédi avant qu'on laisse Tiesto mixer là. Il est prêt, Tiesto ou pas? Il est prêt. Il est prêt, Tiesto. Très bien. Ah, il est grand. Tu veux faire une dédicace avant de partir? Vas-y, hein. Vas-y, on t'écoute. Dédicace à Tim, Danny, Bouchard, Limalo, ils te reconnaîtront. Si t'écoutes. Vas-y, y'a pas de problème, mon gars. Dédi. Eh, hey, t'es venu nous voir quand on est venu à Grenoble ou pas? On est venu faire une émission il y a pas très longtemps. Non, je venais à peine de vous connaître. Ah, ça fait pas. Attends, c'est pas si longtemps qu'on est venu à Grenoble. Ah non, c'est février, non? Ouais, ça va faire 3-4 mois. Bon, en tout cas, ouais, t'étais pas encore vraiment, tu connaissais pas vraiment, quoi. Non, j'étais pas à fond. Ah, c'est ça, tu savais qu'il y avait machin et machin. Ouais, voilà. Ah, tu sais qu'il y a machin Radio 2.0. Voilà, l'autre, je connais pas, quoi. C'est Guillaume Radio 2.0. Il faut bien dire, si on vous demande quelle radio vous écoutez, Énergie, de 21h à minuit, faut pas se tromper. Ouais. Voilà, par contre, faut pas mentir. Non, voilà. Il y en a qui ont essayé, voilà. Il y en a qui ont essayé. Si vraiment vous avez écouté Énergie 21h à minuit, vous pouvez le dire. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire une autre radio pour pas vous tromper. Mais voilà, moi c'est Énergie, je m'appelle Guillaume Play, c'est Guillaume Radio 2.0. Je t'embrasse, mon Greg, je te repasse Flo Descrado. Ouais. Ah, c'est gentil. Ok. Il va écrire avec sa crasse, avec son doigt. Il a du noir sur son doigt. Horrible. En appuyant fort sur la feuille. Merde. Je t'embrasse. Il perce sa verrue, il écrit avec son sang. Écologie. Avec son jus dans les chaussettes. À bientôt, gros. Ciao. Salut, mon Greg. Bonne nuit, les mecs. Et bon week-end, les frérots. On se retrouve lundi à partir de 21h sur Énergie. Sans Julien Stagiaire, du coup. Bah, je sais pas quand. Sans qui d'autre? Bah, non. Il y a juste moi, comme par hasard. C'est toujours moi. Il faudra attendre le tirage. La discrimination. Tous les jours, on fera tourner la roue des cadeaux à lundi ou à mardi. Bah, mardi, à jeu. C'est pas ah non, quand. Salut, salut, bonne nuit. Bon week-end. Qu'est-ce qu'il y a, bon week-end. Bon week-end, Guillaume. À lundi, mais j'ai dit dimanche, c'est ça. Ouais, c'est ça, lundi. Bah, pourquoi tu rigoles comme un coup? Parce que j'aime bien. Et moi, regarde en rigolant. Bon week-end, Amina du standard. Bon week-end, bisous, à lundi. Bon week-end, Flo des cadeaux. Bon week-end, Guillaume, à lundi. Allez, bon week-end. Bon week-end, je vais s'agir. Oui, bon week-end, Guillaume, je sais pas quand. Bon week-end, adieu. Bonne vacances. Bon week-end à toi. Bon Noël. Je vous laisse avec Tiesto. Attends, merde, faut que je mette une petite virgule de merde là. J'allais voir Tiesto. Faut que je mette un petit jingle, putain, j'ai oublié. J'allais faire une photo avec lui. On va encore me dire, mal fait le truc, t'as pas envoyé la pub, t'as pas fait si tu restes. On n'a pas l'habitude rien. Le vendredi soir. On m'appelle le pirate de la radio. Ah ouais. Le vandale. Ça nous va bien les pirates. Ah, c'est un peu ça. Ouais. Mais ça a déjà été pris par Arthur et les pirates. Quel copieur. Arthur et les pirates, putain. Ouais. Ouais, putain, c'est pour ça que je copierai pas. Ouais, mais il reste Guillaume et les pirates. Et... le mec a aucune ça face. Ça va se voir. Hein. On adore Arthur, gros modèle de radio. Il est penché, trop bien. Dis fou l'Arthur, tous ces mecs-là, ça a été. Bonsoir à tous. Non, pas en radio. Je vous embrasse très fort, les copains. Je vous souhaite un bon week-end. Kiffez bien. On se suivra le match de l'équipe de France évidemment dimanche. Allez les bleus. Et on se retrouve lundi sur Énergie à 21h. Gros bisous tout le monde et je vais laisser maintenant Tiesto mixer à partir de maintenant. Bisous tout le monde et à lundi. On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, Guillaume Play, PLEY. Le mec ne s'arrête jamais de parler. Bon week-end et à lundi. Ciao. Let's go. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Les plus grosses bombes dance. Toutes les meilleures exclus. L'émission dance numéro 1 sur la première radio musicale de France. Énergie. Première soirée de juillet et on est de retour. Vous démarrez peut-être vos vacances, là, votre week-end, tout ça avec l'émission club la plus écoutée en France. Énergie Extravadance avec ce soir au platine Steve Aoki, Armin van Buuren et Tiesto. Tiesto qui démarre son set avec Moby, remixé par Hardwell, Pep & Rush et sa dernière prod dans Énergie Extravadance. Weekend, minuit, Énergie Extravadance. Oh yeah. Le plus gros stade de France démarre maintenant. Around the world right now, millions of people are talking about one thing. Just can't wait for tonight. To get on the VIP list. Oh yeah. Where their club life will take them tonight. The next 2 hours, get ready to be transported to your favorite club with your favorite DJ. Featuring the best music from around the world. This is Club Life by Tiesto. My head, you ain't like the rest. ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. John Legend when I remixed his single All of Me, and that single was so big that we decided to do something else as well. The All of Me single actually got me a Grammy, thanks to John Legend, who made it his official remix of his song All of Me. We wanted to make a track together that perfectly presented his style and my style together, and I think we did it in our new single, Tiësto Summer Nights featuring John Legend. A great start of this week's episode of Club Life by Tiësto. There's music coming up from Tony Junior and Yumas Oskan, the Hardstyle remix of Moby's Go, and the W&W Festival remix of I Took a Pill in Ibiza. The last 50 minutes of this hour are for Tyga Lily, and she's taken over with her guest mix. But now first, Gorgon City, with another track from their Kingdom album. This is Doubts. I'm uncertain, but I'm open. If they ask me, I still tell them that you're mine. We don't wanna fight, we don't wanna fall in. It's hard to die at night. We don't wanna fight, we don't wanna call it. I still wanna try. Could this be us? Wanna be afraid, it's hardest when you're having doubts. Tiesto. Par les DJ superstars de la planète. Tiesto. Dans Énergie Extra.